Je vais essayer de me souvenir parce que dans le fond, je connais pas toutes les paroles par cœur. Quelle ta bière? Mais ça part, c'est que we could do drugs, we could smoke weed, we could drink whiskey. Là, let's do that. Après ça, elle dit we could get stoned, we could get high. We could do coke, we could do E, we could do drop acid. We could, we could drop get lost on our way home. Puis là, c'est ça, c'est le bout, là, ça passe et ta-na-na-na-na, puis c'est vraiment bon. Je vous garantis une chose, c'est que cet extrait-là va être coupé au montage. En direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 11 de la saison 2014-2015 de la soirée du podcast. Malette, tu cherches où mettre sa bière. Ça part bien. Il y a de la place pour toi. Il est comme... Si tu t'assurais à côté de Mark, tu me comprendrais, Nasty. J'ai même pas fini mon intro. Ouais, c'est ça. Vas-y, GF. L'alignement des bords, le match de ce soir. Le numéro 75, GF Cromp. Le numéro 21, Dave Thibodeau. Le numéro 24, Mark Vero. Le numéro 88, Alex Cromp. Yeah. Et le numéro 31, GF Mallette. Yeah! Wouhou! Oh yeah. Yeah. Avez-vous tous trouvé des places pour déposer vos bières, là? Non! Ouais, j'aboue, calice. En plus, c'est juste deux de votre bord. Hey, mettez-les toutes en avant de moi, je vous jure, il arrive pas rien. Bart, en plus, il y en a huit. Ah ouais, bord. Mais Chris, je vais se préparer un package, je vais donc, à soir, je vais essayer un abat. Ça fait quand même deux shows t'en as pas fait, fait que tu serais dû pour en faire un gros si, à soir. Ça me démange, là. Pour ceux qui se joindraient à nous pour la première fois, nous sommes une émission. Nous sommes une émission de discussion ouverte sur les activités du Canada de Montréal de la Ligue nationale de hockey. Et on vous en parle bien sûr avec passion et boisson. Et, oui, pas, madame. Et pas de Max 67 malheureusement. On va en parler dans l'avant. D'ailleurs, on va commencer directement sur l'avant. Là, on rit, là, puis probablement que le monde qui nous écoute en podcast ne sauront pas pourquoi on rit, parce que ça se peut fort bien que j'ai coupé ce qui s'est passé juste avant qu'on mette la toune, là. Ça, mais en fois quelques multiplications là-dessus. Bravo, Dave. Dave qui effectue son retour au jeu ce soir. Tout en rote. C'est la paternité. Tout feu, tout rote ce soir. C'est la paternité qui te fait roter comme ça. Oui. Vous avez remarqué qu'on est 5 ce soir. Il manque Alex. Alex qui sera de retour au prochain épisode. Alors, team complet pour la prochaine épisode. Peut-être. Yes, toujours en paternité. Fait que je pense qu'il nous reste un épisode après celui-là. Ah bon, salut Alex, par exemple. Ouais, Alex, tu nous manques, Alex. Yes. Oui. On t'attend, man. Asti, j'ai hâte de m'astiner avec toi, man. Ouais. Ta voix nous manque dans nos oreilles. Ouais. Ta voix. OK, je vais mettre un règlement. Le prochain qui rote, je le mets en pénalité. Je le gèle. Au moins, ratez pas dans les micros directs. C'est vraiment dégueulasse pour le monde qui écoute. Là. Non, mais c'est pour mettre la ambiance. Non, mais faut mettre le monde au parfum. Non, là, non, qui en rate plus dans les micros. Ben, parfum, c'est un peu. Non, mais les autres sont chanceux. Ils sentent pas le même de merde. On va commencer par dire pourquoi on rote beaucoup et qu'est-ce qui se passe en ce moment. On devait tester le Max 67, ce fameux burger de McDo ce soir. Puis moi, puis JF, on est allé au McDo chercher ça à Longueuil. On va dire où, celui sur Roland Terrien. Passer une commande ben normal, de quoi 6 5 Max 67. Là, 5 Max 67. 7h15, 7h30, un vendredi soir. Il n'y en avait plus, Calis. Il n'y en avait plus sur Chambly non plus à Longueuil. Fait que... Les tabarnaks. McDo, mange mon pain, Calis. Mange mon petit pain gourmet, McDo. Mon petit pain puffy. Toi, t'as mangé le pain de McDo. Ouais, un petit pain puffy, c'était bien bon. Jeff devrait peut-être sortir le doigt pour caller out McDo. Parce qu'en plus de ça, il n'y avait même plus de McFleury aux petits œufs Cadbury. Ah, lave-les avant, tabarnak, man. Tout ce qui passe à la télé sur McDo de ce temps-ci. Il y en a plus, Esti. Pour pleurer les enfants. Tabarnak. Non, mais sérieux, là, c'est pas fort. Puis on s'attend à avoir une carte cadeau de McDo pour tester au prochain épisode. Ben oui. En plus, sur des macarons sur un chandail, tabarnak. Mieux que ça, on s'attend à se le faire servir par Max lui-même. Max Pacioretty. Ouais, ben, on va préciser Pacioretty parce que sinon, on va nous envoyer un gars qui s'appelle Max. On va prendre Max la bière. Max, c'est si bien. C'est Max Fred. Anyway, Esti, là, dans le fond, là, c'est bien beau votre affaire de Max 37, là, mais il n'y en a plus un calice de burger. Fait que tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Nous autres, on était supposé faire un review du burger. Là, on n'est même pas capable, Chris. On est un show sérieux, nous autres. Ouais, là, j'ai été obligé on annonce de ça, man, sur Facebook. Un Big Mac puis un main event. Un petit junior poulet. Qu'est-ce que c'est ça, là? C'est ça. Chris, moi, j'ai même été obligé d'y quitter une McCroquette. Tabarnak, c'est. Moi, je voulais savoir une chose sur le burger de Max Pacioretty. Ouais. Pourquoi il y a des nachos là-dedans? C'est pas le burger de Scott Gomez, calice, ça. Ouais, c'est ça. Pourquoi il a mis des nachos là? D'après moi, il pense que c'est un Mexicain, man. Ouais. Ouais, il manquait juste un petit peu de poudre, ça en fait pareil. Il voit pas la différence entre un Mexicain et un Italien. Il est pas ses cocos, lui. Pas Max. Ça, ça arrêtait le Ribeiro. Oui. Le Ribeiro. Oh boy, Ribeiro, lui, ça arrêtait juste une petite boulette. Une boulette avec de la poudre dessus. Il rentre parfaitement dans le nez, genre. C'était des frites. Okay. Merci de l'odorama. On va maintenant poursuivre sur le pot de la soirée du podcast. Calvaire. Une chance qu'Alex n'est pas là parce qu'il répondra pas de sa position aujourd'hui. En cinquième position dans notre pot, Pierre-Yves Giacomessi, qui est notre fan suisse là, qu'on a dit l'autre fois qu'il nous avait l'air. C'est lui ça. C'est, bravo mon frère. On avait dit l'autre fois que notre fan suisse ne nous suivait plus. Mais ben, finalement. C'est pas un noir, c'est un suisse. Ouais, c'est quoi ça? Finalement, il faut te dire bravo le connard. Salut, merci mais du con. Mais c'est ça, justement, il nous a réécrit qu'il nous écoutait encore malgré ce qu'on dit sur les Suisses. Alors, salut les cons. Ben, gars, faut qu'ils disent. Faut qu'ils pensent que c'est un suisse pour nous autres. Là. C'est comme un genre d'écureuil. Hostie, on a fait un long de même. Avec des rayures de foire avec notre botte, hostie, tu sais. Non, c'est pas vrai. Tout, des fois des Suisses avec ta botte. Wow, ça. Violence. En quatrième position, Samuel Lachaine. En troisième position, Yann Dupuis. En deuxième position, JP Gagné. Et en première position, Jacques Germain. Bon, pour ce qui est de nos positions, nous autres. En douzième position, JF Mallette. Quinzième position, moi-même, JF Crombe. 25e position, Marc Véro. Moi, j'ai dégringolé, man. 26e position, Alex Crombe. Oh, je te colle au cul. 32e, Dave Thibodeau et Alex Galipeau qui je est en. Je suis plus le dernier! Non, Alex est rendu 38e sur 42. Malade, man. Qu'est-ce qui s'est passé avec Alex? Il a probablement oublié de faire son échange ben au mois de mars. Non, ça doit pas être ça. Moi, je pense qu'il y a juste. Il y a un échange au mois de mars. Non, moi, je sais qu'est-ce qu'il a fait, fuck! Alex. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai pas fait. On est quoi aujourd'hui? 27. Non, mais Alex, moi, je. Checkez-moi bien, mais allez, moi, je sais qu'est-ce qui s'est passé avec Alex, man. Quand tu fais des choix de marde, c'est ça qui arrive. Hey, j'ai même pas fait. Moi, je vais te dépasser, moi. C'est ça qui m'avait callé, hein. Il m'a dit, Chris, ça juste à pas faire des choix de merde. Oh, fuck you, mon calliste. Ben, quand, man, hostie. Elle m'a dépassé, hein. Je suis 26e, j'ai pas fait mon. Ça se peut. Hey, moi, là, j'ai perdu. J'avais été chercher Ryan Miller parce que j'avais pris Gibson au début de l'année. Puis là, j'ai tradé. J'avais pris Ryan Miller. Gibson. Ben, tabarnak, man. Miller se blesse, hostie. Il est hard pour. Moi, j'avais changé. Qui? Quelqu'un pour Pekka Rinne, man. Ok. Chris, il s'est blessé. Ouais. Là, il est revenu. Ah, il est revenu. Il est revenu rapidement. Il est tout feu, tout flamme, ce gars-là. Là. Il est bien parfait. Mais. Puis l'autre, c'est qui? Hostie? Ben là, c'est Patrick King qui est sorti. Ouais. Ça fait chier, ça. Ah, ça arrête. Puis ça tombe comme ben des moches. À l'aube des six. Oui, là, je veux dire, quand j'ai eu ça, j'ai envie de mocher. Et boy. Hein. Deux c'est pas dans d'autres des meilleurs ce soir. Ah, attends, on enlève en match. Non, mais c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça, c'est la ding and dong, c'est pour ça. C'est moche, hein. Ouais, c'est. Ça donne envie de se mocher. De toute façon, c'est pas en réchauffement que tu sors tes grosses feintes. Culture, c'est ça qui arrive. Deux petits sujets qui restent avant de commencer le show. Voulez-vous parler de l'article poubelle de TVA Sports cette semaine qui parlait du CH qui avait des bonnes stats à TVA? Oh tabarnak. L'article qu'on a posté, c'est notre Facebook. Tu veux nous starter là. Ouais, j'essaie de vous primer un peu là. Ouais, tu vas vraiment faire de la publicité pour TVA Sport toi là. Ben, il y en aura pas le choix. On va leur donner de la marge. Les playoffs vont juste jouer là. Ben, ah, yeah. C'est vrai en plus. Ah tabarnak. Ouais, c'est assez exclusif à TVA Sport. Un petit conseil, écoutez-les en anglais. C'est pas compliqué. Ben, soit CBC la fin de semaine, CTV TV. Sportsnet. CTV TV. CTV TV. Ben, je mets les, là. Ben, c'est CTV. CTV. Alors, puis en anglais, John Bartlett, il est vraiment mieux que Félix Séguin, là. Bob Bartlett. John Bartlett. Il y a un autre pas, mais. Joe Bartlett. Ah, il est bon, il est vraiment bon. The Habs win. Il est vraiment bon, là. Juste ça, ça m'a fait total. Hey, tiens de me donner le goût en hostie, toi, là. Non, mais sérieux. Paul Bartlett, il y a le nom d'une pomme, esti. Non, mais TVA, c'est de la calisse de merde. Ah, oui. Vous, cette semaine, leur experte pour les prédictions des playoffs, c'est une sœur, tabarnak. La sœur volante, calisse. Elle a dit qui a gagné la coupe. Non, c'est pas la sœur volante, c'est sœur Chantal. Chantal Maccabée? Hey, ça sonne bizarre dans mes oreilles. Là. Ouais, là, c'est un chanteur, je sais pas ce qu'elle a fait de ce rendre-là. Elle est une crise de grand gueule. Pas de mangeuse d'homme, là. Hey. Ah, et les commentaires désagréables pour le faire. Non, hein. non. Ben c'est ça, c'est de la merde, tabarnak. Puis j'écoute des avant-matchs. C'est un Chantal, hey, je me sacrifie pour le public. Mangeuse d'homme. Ben, je me sacrifie pour écouter les avant-matchs à TVA. Puis je capote ben raide. Hey, Michel Bergevin, là, Bergeron, là. Il est cave, tabarnak. Non, mais qu'est-ce qu'il... Ben, il est fini, ce gars-là. Hey, non, mais il vit dans le temps qu'il était coach. Ben, mais joueur. Il donne pas son opinion. Il blase du monde. Ah, lui, il est poche. Ouais, mais là, tout passe son segment entre la première et la deuxième, là. Non, à l'avant-match, là. Le segment du coach, là. Ouais, c'est ça. J'ai une palpitation au cœur quand je regarde. Ils ont fait un rip-off du Coach's Corner. Ouais. Ah non, c'est moins mauvais. Déjà que c'est de la merde, Coach's Corner. Ouais, c'est ça. On a tout regardé ce qui se passe. Bref, c'est de la merde. Puis si tout va bien, les boys, je vais faire un bulletin des journalistes. Tabarnak. Si les playoffs. Ah ouais? Ouais, je vais faire ça. Je suis déjà inspiré, j'ai déjà des notes de prix. Ouais, j'imagine que ça va être beau, ça. Ben, dans le fond, je vais dire ce que je pense. Ça va être du beau. Je vais écrire vos noms. Du beau ramassis. Non, mais ça, on en parlait. On voulait faire peut-être une section blog sur le site. Là, si jamais vous avez envie d'écrire quelque chose, vous aurez un blog. Là. On se trouvera des blogueurs. OK, mais là, on est comme... va tabarnak, on est-tu en brainstorming? Là? Non. On explique au public. Ah, OK. Là, c'est le pre-show. Ben, ça, c'est l'avant-match. La saison. La période n'est pas commencée. Non, puis avant de commencer... Ah, ben là, tabarnak, ouais, c'est ça. Ben, la sœur, là. La sœur flottante. La sœur Chantal. Non, on va commencer, mais je vous invite... ceux qui sont sur Twitter à suivre Richard Pritchard sur Twitter at Keeper of the Cup. C'est le gars qui s'occupe de la coupe. Ouais, le Keeper of the Cup. Le gars avec les gants blancs. Puis la longueuil. Ouais, lui il a son... C'est un frais, ça. Il a l'air de Eugene dans Walking lui, Dead. Lui, sérieusement, là, astique de tête aux danseuses, man. Avec la coupe tout le temps. Non, mais celui-là, il est bien intéressant. Il va aux danseuses avec ses gants. Il tweet des photos de la coupe un peu partout. Puis au fond, il a tweeté de quoi? Puis il nous a répondu en français. Fait que. Il parle français? Il parle un petit peu français, je pense. Fait que. Let's go, mon Richard! Ah, mais c'est peut-être Richard, c'est ça, son nom. Max Pacioretty. Bonjour. Bonjour, je suis Max Pacioretty. Eat my burger. Fait que suivez-le, at Keeper of the Cup en un mot. Alors sur ça, on va commencer. C'est autant que Brendan Bross. Ouais, mais là, c'est quoi? J'aime la poutine! Poutine double qu'est-ce chicken. Qu'est-ce qu'il a tweeté comme photo? J'aime qui est la poutine. Là, mettons, faudrait que j'aille voir. Puis la coupe sur la plage, la coupe si la coupe en powerplay, la coupe à soir, la coupe. Si vous voulez suivre. La coupe chez le nettoyeur. La coupe chez Peter Stastny. La coupe de cheveux. J'ai rien à racheter à ça. Fait qu'on va commencer la première période. La coupe Stastny. La coupe Stastny. La coupe Stastny. Et Peter Stastny. La coupe du petit viking. Anton. Alors, comme à l'habitude, comme à l'accoutumée, on va commencer avec nos plus et nos moins. Jeff, comment tu te places en ce moment? Je me mène. Un peu pédé, là. Non, c'est parce que j'ai quelqu'un à job qui médite, c'est un bouddhiste. Qui se place de même? Qui est de même. Tabarnak. Avant de manger sa salade, parce que ça me faisait rire. On m'a essayé de manger un Big Mac. ça doit opérer en hostie d'invente. Non, je suis mindé parce que je sais pas qui que je vois. Sa position avant de régurgiter son Big Mac. On va finir par toi. Ouais, fait qu'on va commencer. On n'a pas le temps de niaiser. Commençons avec nos plus, puis commençons avec la visite rare, Dave. Vas-y, vu que tu reviens au podcast. Ouais, Dave, avec nos plus. Vas-y donc. Nos plus. Bon, je commence avec nos plus. Je vais donner mon plus à un joueur qui. En donne beaucoup. Oidos! Hein? Un joueur qui n'abandonne jamais. Bien un joueur qui donne tout. J'ai nommé Brendan Gallagher. Il a je pense, 10 points à ses 15 derniers matchs. J'ai checké ses stats hier, justement. 10 points à ses 15 derniers matchs. Il a genre un but à ses 3-4 derniers matchs. On a fait de même. Ne lâche jamais, n'abandonne pas. Donne toujours... son meilleur et son maximum, je pense. Puis une mention honorable pendant les derniers matchs, peut-être à Pross quand même, qui a remonté son niveau de jeu, ramené son niveau de jeu, je dirais, à ce qu'il est capable de nous donner. Là, puis qui a allumé beaucoup de d'offensive puis de passion chez le Canadien dans les dernières games. Je suis pas d'accord, Perron. Non, OK, mais non, de la merde. Je suis d'accord. Les hostilités sont lancées. Gallagher. Eh bien, les hostilités. Je vais commencer avec Gallagher. C'est bien. Je donnerais pas mon plus au powerplay du Canadien, ça c'est ça. Vas-y, on meurt avec ton plus. Moi, c'est Brandon Prost. Moi, c'est définitivement Brandon Prost, là. Écoute. Bougie d'allumage. Carrément, là. Brandon Prost, tabarnak, c'est le seul asti qui a été capable, Chris, de faire craquer Montréal contre Tampa Bay en allant geler le goal. OK, OK, oui, oui, c'est vrai. Il y a certains diront Junior Stuff. Puis aller geler le goal, blablabla. Bla, bla, ben, moi, là, ça, c'est mon hockey, ça, tabarnak. Il savait ce qu'il faisait. Pose dedans le petit goal de Calis. Justement, on va au Calis. Il y a une petite histoire. Ils sont pas capables de jouer Calis. Ben oui. Il y a entre Bishop et Bruss, ils se sont déjà pognés avant une game cette année. Ah ouais? Dans les réchauffements. Ils sont quasiment battus, man. J'ai pas vu ça. Ils ont droppé. Cette année? C'était cette année ou l'année passée? En tout cas, je me souviens pas. Ils ont droppé, là. C'est genre, ils l'avaient craqué une fois, là. Fait qu'il y a une rivalité. Mais là, c'est parce que là, Bishop t'a sorti de son net. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, c'est-tu que l'occasion est belle? Ah ouais. Puis lui, là, il a été comme beurré et passe à la toast. Puis boum, il s'est rentré dedans. Puis j'ai fait comme, asti que c'est ça qui manquait à cette game-là. Parce que Montréal, il joue. Ils jouaient comme avec un hostie de gros complexe d'infériorité. Ils ont tous perdu contre eux autres. Puis là, je me disais juste comme... Il manque une game. Ça a fait tourner le vent de la game en plus. Ben, ça a carrément fait tourner le vent de la game. Ils n'ont pas gagné, puis mais... Gallagher qui s'est battu tout de suite après. Puis après ça, qui est servi, boum, un but, man. On a eu un power play tout de suite après le fight à Gallagher. Puis tout de suite après ça, ça a scoré. Puis Montréal ont pris confiance au bout. Puis... Mais tout ça, ils ça... Ils ont pas gagné la game, mais ils ont lancé un message. Mais Chris, ils ont viré le momentum. Ils ont fait, ben Chris, on va vous jouer. Ils se sont remis dans la game. Puis moi, tu sais, je disais là pendant ce game-là, souvent nous autres on se chat pendant un game tout ça, puis je me souviens, je me disais comme tabarnak, leur petit Chris là, Tyler Johnson là, il mesure 5 et 6 là à peu près là. T'sais, Chris, doit être facile à être en pied d'une bande cet hostie-là. Probablement. Bon, ben c'est ça. Aussi. Fait que qu'est-ce que t'attends, Chris, pour le shaker puis le shaker le pommier un peu, hostie, que... Fait que hostie, le seul qui était capable de faire ça, là, ça a été Brandon Prost, man, hostie. Fait que félicitations, chapeau, man. Sa game, là, il l'a steppé là, vraiment là, d'une grosse coche. Puis on dirait qu'il se met allumé en vue des playoffs, tant mieux. Yeah, il s'est pas réinventé un coup de patin, mais Chris, au moins, il était capable de motiver le monde, ce type, puis de mettre un peu de grit là-dedans. Vous autres, que vous avez pensé de la mise en échec de Prost sur moi, Bishop? Moi, j'ai pas de problème. Bon move ou pas? Ou, ben, bon, oui, pas le choix. Oui, dans la situation. Bon timing. On se serait fait ça à Montréal contre Price, on aurait été en tabarnak, puis c'est probablement ce qui est arrivé à Tempa. Mais honnêtement, c'était un move légal, il était sorti. Il est sorti de son net. Pas depuis ce qui s'est passé avec Lucic puis Miller, par exemple. Ouais, mais Miller, il a été joué le puck, lui, dans zone en avant. Ouais, c'est ça. Il est sorti en arrière pour jouer le pas. Claude s'en va. Chris, il y a d'autres pour checker. Puis boum, une petite mise en échec. Le goaler, quand il sort de son net à cette heure, c'est comme tabou. T'as comme plus vraiment. Ah, mais il est pas avec l'épaule. Il l'a entouré. Puis il l'a côté. C'est ça. Il l'a jeté en paix. Mais tu sais, légalement. Anyway, de toute façon, je. L'autre il avait levé le coude. Ça aïe. Je sais. C'est pas propre. Je dis pas que j'ai pas aimé le move. Je fais juste dire qu'il est politically correct, mettons. Là. Ouais, mais moi, là, je pense un goaler, quand tu sors de ton net, c'est un risque qui est péril. Moi, je suis d'accord, non, mais il avoue que depuis le hit sur Miller, des affaires de même, il s'en passe plus vraiment. Quand le goaler, il sort de son net, c'est comme... Ah, mais je pense qu'il y a une nuance. Tu peux aller jouer le goaler. En fait, mais il faut que tu vives avec les conséquences. Après c'est ça, là, Prost, sois prêt à dropper s'il y a un gars qui s'en vient en arrière de toi. Ben, ouais. Il va le faire, c'est ça qui arrive. C'est ça qui va. Lui, là, c'était bien correct. Comme, ouais, mais en un. Il a le droit, c'était légal. Puis attends-toi de te faire péter à gueule si tu fais ça. Mais dans ce game-là, à un moment donné, je me souviens pas qui a droppé contre Prost deux fois, le même gars. La deuxième fois qu'il a droppé contre. Prost n'a pas droppé. Prost n'a pas droppé. Ça, c'est de la calice de merde. Il n'y a pas eu de pénalité pour de deux minutes. On aurait dû avoir un overtime. Pas un overtime, mais un power play là-dessus. Ouais, l'autre, il aurait dû avoir un instigateur. Ils ont comme rien fait parce qu'il a plaqué le goal. Encore une fois, les autres. Prost savait très bien ce qu'il faisait quand il l'a fait. Puis moi, je lève son chapeau. Je lève son chapeau, man. J'enlève son casque, ce type, puis je le lave. Moi, il y a une affaire qui me dérange un petit peu. C'est le monde qui dise c'est pas correct. Carey Price, ça pourrait arriver à la même affaire, genre Philippe Quentin. Puis. T'étais supposé dire tout ça, Philippe Quentin. Après ça, pour lui, il va aller y arracher à la tête. Là. C'est parce que dans mon livre à moi, oui, c'est vrai que ce qui était avec Miller, c'était grave. Mais il a visé à la tête pour commencer. Ouais, ouais, mais Bishop, quand il est sorti, dans le fond, il l'a comme à côté. Puis ben, avec joué le Price, je suis pas inquiète pour lui côté sécurité présentement parce que je pense. À un moment donné, là, ça va finir. Les beaux à la Crider, d'après moi. Là. Ben, c'est pas non, ouais, mais Chris Crider, là, ils ont gagné là, il y a pas longtemps, là, New York hier. Contre. Ouais, contre hier. Ils ont fait un mot similaire. Ben, Crider, là, à un moment donné, là, il y a eu un puck loose là, qui est en avant de lui. Là. Puis Crider, là, il a foncé direct qu'on est. Mais lui, c'est un Gallagher, mais qui mesure CC4. Ouais, mais attends, c'est un Gallagher qui arrête jamais, là. Ben, c'est ouais, ça. Mais là, Mané, c'est parce que ça fait 20 fois qu'il le fait, là, Chris. Gallagher. Je sais, mais il l'a fait encore. Il a crashé le net, il a foncé sur le goaler, mais il n'a pas rentré dans le goaler, mais il fonce vers Gallagher le net. Gallagher tombe ses nerfs, il est en face du goaler, mais il fonce pas dans le goaler. Lui, c'est ça, il est plus politiquement correct. Il fait chier, mais il blessera pas. Imagine là. Gallagher dans un team qui serait, mettons, contre Montréal tout le temps. Là. On l'haïrait. On le détesterait pour mourir, ben, man. Je voudrais l'enterrer vivant. C'est juste parce qu'il se rend pas au point d'être un Sean Gray de la vie. On s'entend que t'as pas besoin de creuser bien creux Gallagher. Ben non. En tout cas, là, sûrement 5 pieds 2 du creuse. Il y a 5 pieds 2 à 5 pieds 2 du creuse, tu l'entêtes de bout. Je l'ai même pas sur le soundboard, asti. Comment ça? T'as fait du ménage? Non, c'est parce que j'expliquerai ça hors drone à un moment donné. Alexandre, ton plus. Oui. Plécanique. Non. Mais oui, tu peux le dire. Plécanique, c'est pas grave. J'aurais pu, mais je ferais pourquoi pas. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu veux que je donne à Plécanique, un métronome. Le métronome qui a passé 20 piastres, ça me doit 20 piastres. Ouais, c'est ça, mais là, je suis mêlé, tu me dis ah non, finalement. Fatigué avec ton métronome. Ouais, là, time out, il y a eu un pari qui s'est terminé. Pari qui s'est terminé cette semaine avec la venue dans le club des 50 de Plécanique. Ma deuxième victoire de la saison. Deuxième pari. Ouais, fait que dans le fond, tu veux qu'on règle ça comme ça. Ouais, mais t'as pris des hosties de paris safe, puis toi, t'étais pas d'avoir embarqué là-dedans. Mais non, voyons, non, Plécanique, est-ce que calvaire, man. Paris pas. Ça passait pas, j'ai eu 50 points. Paris pas trop d'argent, toi, OK? Il y a 52, là. 52 points, il reste. T'es sûr qu'il allait le faire, Calis? Ben, c'est ça, je voulais faire 57 points. Je disais, Plécanique se rend pas à 60. Non, 60, j'aurais pas pris. 55, je le prenais. Il va le faire 60, là. Hey, 3 points sur une game, il est proche de 60, là. Non, non, je vais le faire à 55, là. À part l'année passée, là, qui j'aurais fait à 55. Au 50e point, je l'aurais mis, j'aurais fait à 55. À part l'année passée, là. Non. Qui est double 55? À part l'année passée, qui a fait 43 points, là. Il a tant fait 57, 60. Il a fait genre 46. Non, je suis pas dans la bonne place. 52, 43, 33, mais ça, c'est la saison écourtée. Fait qu'il a fait 33 points, c'est bon. Dans une demi-saison, c'est bon. 52, 57, 70. Bon, 39, 69, 47, 29. 70, quand, ça? 70. Avec Kovalev. Avec Kovalev, ouais. 2010, avec Kovy. Ouais. La belle époque. Les cheveux au vent. Ouais. Le démon blond. Mais, en tout cas, tout ça pour dire, tu me dois 20$. Puis, Plécanique, je pourrais le prendre, mais... OK, c'est qui ton vrai choix? Mais pour vrai, je vais y aller dans le même sens que parce que toi, tu l'as mis comme d'un écrin en or, plus lumineux. Moi, c'est comme Price. C'est comme Price. C'est comme Price. C'est un intouchable. OK. Fait que je vais le donner à Prost aussi parce que... Pauvre Jeff, découragé. Mais Chris, c'est le Il est en tabarnak. C'est le deuxième marqueur du Canadien. Allez chier avec Plécanique, là. Asti, vous me faites chier. Oh, okay, il est chanceux d'avoir des bons alliés. Fuck off. Gatchan qui fait de la merde cette année. Hein, ouais, mais son centre, il donne pas le pas qu'il y a d'autres. Tabarnak, il y a des points. Il y a des points. Il y a combien de passes? OK, c'est qui ton plus, Asti? On fera un débat là-dessus tantôt. Gardez-vous ça. Tu veux qui? De qui? 30 passes, tabarnak! Il y a 30 fucking passes. Est-ce que Gallagher a 30 buts? Non, est-ce que parce que Gallagher il chante tout le temps à côté du net, calvaire. Gallagher. Gallagher a 22 buts. Donne ton vrai plus. C'est ça? Plécanique a 22 buts. Combien qu'il y a de buts, Gallagher? Il y en a 19, genre. Fait que 19 plus 22. C'est quoi, là? C'est le segment des stats? Mais c'est ça! Il feed, Collis. Il feed, puis il score. C'est quoi le problème? T'es un malade mental. Va quand les autres, Heller, qui est à 4 millions par année, qui fait 15 points, tabarnak. Il touche pas à Heller, OK? Je commence à être rouge déjà. Sacrement. Lâchez Plécanique, tabarnak! Sacrement! Donne ton plus à la place. Mais moi, je suis d'accord avec toi, man. C'est la fucking raison de l'aimer, Plécanique. Moi, je l'aime, Plécanique. Moi, je l'aime, Plécanique. Jusqu'à temps qu'on arrive dans une couple de semaines. Mais oui, mais c'est pas sa job dans une couple de semaines de driver le club. C'est pas sa job. C'est sa job de l'amener là. Sa job, c'est de produire. Sa job, c'est de l'amener là. Mais non, c'est là que ça compte, les playoffs, tabarnak! Non, mais attends. Non, mais moi, j'ai toujours pensé. Je dis juste que oui. Jean-Pierre oui, a trois pommes. C'est sa job dans une partie quand même. Parce que Chris, justement, si t'es un joueur fiable, partout. En playoff, j'ai les quatre trios. J'adore Plécanique. C'est un de mes joueurs que j'ai tout le temps aimé. Mais Chris, si tu performes pas dans les séries, puis que tu sors ta petite jupe, puis que ta blonde met son strap-on. T'es un gros Chris, caca. On a qui d'autre? Chris Dernay. Dernay va sortir sa cape. Ok, je vais aller. Ok, ok. Mais là, Dernay, c'est pareil. C'est quoi ton plus, man? C'est quoi ton plus, hein? Oh. Ah, mes oreilles. Non, c'était Prost. C'était Prost pour. La même que moi. Ouais. Puis la même que toi. Le même plus. Mais non, lui, c'était Gallagher. Là, t'avais le même plus que moi. Ouais. Vas-y, d'abord. Parce que. Parce que tout simplement, il y a eu les échanges, puis il y a eu trois bozos qui sont arrivés. Ouais. Qui ont pas mal le même mandat que Prost. Puis ouais. Prost aurait pu être intimidé, puis chier dans les coins, puis perdre sa place. Ouais, mais il a steppé sa game. C'est pas trois meilleurs patineurs qu'on a pogné. Hein? Non, il a steppé sa game, puis il a prouvé sa place, puis il fait une crise de bonne job. Fait que là, on a comme, avec les trois autres, là, c'est comme Prost qui est comme le piano. Smith Pelé qui est comme le A. Pis genre Mitchell qui est comme le queue, tu sais, on a un piano à queue là. Ah, t'as tiré à gogo. Je sais pas. Piano à gogo. Je sais pas qu'on répond à ça. Oh, fais ça, JF, avec ton plus. Oh, fuck off. Il a pas dit son plus. Non, j'ai pas dit encore. Je me concentre. Il t'arrête d'exploser. Il fait son plus. Ouais. Plécanec? Non, mais non, alors plécanec. Mais non, moi je vais y aller. Je vais surprendre peut-être tout le monde, là, mais je vais y aller avec la profondeur, avec des roses puis l'harcelé. Oh, tabarnak! Oh, carré, ouais. Je m'explique pourquoi. Ok, Lars, mais. Je quitte ce studio. Lars, mais pas dans deux, trois dernières games. Dans quelques games avant. Moi, je vais en général dans les trois dernières tabarnak, semaines. Tabarnak, il n'y a pas grand monde du Canadien qui mériterait un plus là, dans les deux dernières games. Selon moi. Lars, c'était une bite, man. C'est une bite. Ouais, mais écoute mon analyse intellectuelle. Moi, je suis comme un métronome quand j'explique. Vas-y, Jeff, explique ça comme un métronome. Oh my god. Pas. J'ai l'impression qu'on va s'endormir. Moi, ce que j'aime, droite, c'est que. C'est pas trop donné. T'as peu. Tu vas saigner du nez dans pas long. C'est sûr, j'ai mangé un peu de mal. Mais ce que j'aime de Heller et de La Rose, là, c'est que dans le fond, les ils deux peuvent pas interchanger. De but. C'est ça que j'aime, c'est qu'ils comptent pas de but. Non, mais ce qui arrive, c'est que leur job premier, là, c'est de faire de l'échec avant et donner mise au jeu. Parle-moi de profondeur. Ben, c'est ça, regarde. Essayez de parler, Esti. De La Rose, c'est un joueur très intelligent. Il sait quoi faire sans la rondelle et avec la rondelle. Puis Lars Eller, ça l'a comme réanimé un peu. Puis ce que j'aime, c'est que dans le fond, des fois, ça interchange. Des fois, c'est De La Rose qui va au centre. Des fois, c'est Eller qui va à l'aile. Puis après ça, c'est le contraire. Puis aussi, un autre point que je voulais mentionner, là, Heller et De La Rose, ça va très bien depuis qu'ils jouent avec Smith Pelé. Ils ont jousé ensemble? Non, c'est ça, mais je veux parler comme un vrai analyste. Là. Je fuck mes verbes. Mes fraises. Je fuck mes fraises. Puis Smith Pelé, là, OK, je sais que le monde, là, il regarde juste les statistiques, puis le gars, il a du scoré, le gars, tu fais des points, mais c'est qu'est-ce qui fait ça à la classe? Je sais qu'il y en a qui disent que ça part à fort qu'il fasse des mises en échec. Ça part à fort. Là, je suis mêlé un peu. J'ai comme, On va parler de DSP en deuxième, Jeff, si tu veux. On va parler quand tu as parlé des points. Il faut pas oublier. Il fait de la place à la glace. Ce que j'aime dans le fond dans des trios, c'est que t'as toujours un gars qui va être plus agressif, puis t'en as deux autres qui vont contrôler le jeu. C'est ce qu'ils font Heller puis De La Rose. Il amène le puck en échec avant, c'est incroyable. Quand tu regardes De La Rose, là, je capote Beret. C'est comme si tu regardais un cheval blanc courir dans un champ. Mais De La Rose, oui. Heller, il fait une bonne job malgré le fait que ça n'a pas bien été déjà gagné. Un cheval blanc, tu as-tu vu le teint pâle, le style, lui, un cheval blanc. Alors, une première cette saison à la soirée du podcast. Cheval blanc, bref, j'aime ce que ces deux-là apportent. C'est pas adosé par tout le monde. Je trouve que c'est un bon duo qui va peut-être même éclore un petit peu plus pendant les playoffs. Man, un cheval blanc, ça fait pas un peu gay, genre, comme allusion. Mais le harceleur, ah, j'avoue, peut-être, mais. Ces deux blonds européens, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Ado, les européens. Là. Ah, d'après moi, ils se donnent des becs. Mais bref. Hey, t'as bien joué à soi. Je suis très fier, je trouve qu'il y a une amélioration dans la profondeur qu'il n'y avait pas là, un méchant bout. Ah, les Suisses dans le vestiaire, on a bien joué à soi. Ah, une belle profondeur à soi. Bon, on va donner mon plus, moi aussi, à Prost là, pour le check sur Bishop. Là. C'est pas ça ton plus. C'est pas ça ton plus, tantôt. J'en ai deux plus. Il a changé son plus. Non, j'en ai deux. Imagine s'il avait blessé le Bishop. Juste avant que tu y ailles, Jeff. Je m'en allais, justement. Je veux juste dire que genre Heller a peut-être comme 4 points à ses 10 dernières games. Non, mais c'est ça. Mais c'est parce qu'il faut pas juste regarder les points, les buts. Mais non, mais il est moins. Mais sérieusement, Jeff, ton... Sérieusement, là, Chris Mallette, là, ton plus, je le comprends pas. Je respecte. Moi, je vais te dire, ton plus, là, il est douteux. Il m'amène à penser que peut-être il me donne des nausées. On devrait t'envoyer des mineurs une petite série. Ou chez le rapiste. Ou directement chez le rapiste. Je le con, tu sais, je respecte. Non, je le respecte pas, mais si j'ai de la misère. Je le comprends pas non plus. Ok, va te poser une question, ben, c'est à quoi tu t'attends d'un troisième trio? Je le comprends. Ni je le comprends, ni je le comprends. À quoi je m'attends d'un troisième trio? Ben là, gars, écoute, ben là. Ok. Ils vont le mouver. Dites ça bien vite. À quoi vous attendez d'un troisième trio? Ils gagnent pas 4 millions par année. Non, non, laissez faire les salaires, là. Ça glace. Ça glace. T'es payé pour ce que tu donnes, je sais, mais ça, c'est le DG qui a les 4 millions. C'est pas faute à LE. LE, il a juste accepté puis il a signé. Je suis d'accord. Ben ouais, mais. Ouais, mais gars, je pense pas qu'on l'a menacé. Je pense pas qu'on l'a menacé. On te donne 4, mon Chris. Okay. Non, mais en même temps, moi, je veux pas... Non, mais je trouve ça correct. Je trouve ça correct parce que je veux pas m'acharner sur Heller parce que, Chris, ça sert à rien. Non, mais c'est pas ça sert à rien. T'es pogné avec. Au pire que tu peux espérer de lui, là, c'est qu'il se mette à produire, hostie, peut-être en playoff parce qu'il y a pas eu des mauvaises playoffs avant ça. Fait que, gars... Tu te fies sur une saison. Okay. Fait que là... J'espère qu'il va produire en playoff. Non, et, gars, ça se peut, là. Mais je veux dire, on est pogné avec. Imagine si Heller produit pas que Plekanec non plus, on est dans la merde. Mais je veux dire, c'est comme... On est déjà dans la merde, là. Ouais, mais Heller, c'est une Valium, là, en ce moment, là. Puis oui, il a joué un bon match. Excuse-moi, mais Heller, là, je te dirais, à la moitié du voyage dans l'Ouest, là, il a commencé à mieux comprendre. Depuis la date limite des échanges, Heller joue beaucoup mieux qu'il jouait avant. Ouais. Come on, les boys. Ben, je pense qu'Heller... Je peux pas dire le contraire. Moi, gars, moi, je pense qu'Heller, là, malgré tout ce que tu dis, oui, peut-être qu'il a comme pogné une petite coche de mieux, mais il joue pas à son plein potentiel. Il joue mieux, mais il joue pas bien. Jamais. Heller, il n'y a pas d'affaire, ces deux premières lignes. Jeff, explique-moi ce que tu attends d'un joueur comme Heller. Puis ce que tu trouves qu'il te donne. Moi, ce que j'attends d'un joueur comme Heller, sa troisième ligne dans un trou défensif, c'est qu'il empêche l'adversaire de marquer. Non, pas de 50. C'est quoi son plus et moins? 35 points. 35 points. Moi, j'espère un 35 points. Non, mais les points, là, à un moment donné, là, c'est sûr qu'il faut qu'ils produisent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Troisième trio, quatrième trio, il faut qu'ils produisent. Mais ce que j'aime de LE, c'est quand il embarque sur la glace, en échec avant, là, la puck reste dans la zone. Fait que quand il y a un arrêt de jeu, là, la mise au jeu est en zone offensive. Là, c'est la job de Dernay puis le petit Chris de Tchèque de gagner la mise au jeu, ce qui a bien de la misère. Puis après ça, c'est de marquer. Mais le problème, là, si le premier trio puis le deuxième trio ont de la misère à produire puis que juste Pacioretty qui a pas de la mettre dedans, là, ouais, mais faut pas blâmer juste le troisième trio. Ouais, mais Jeff, c'est parce qu'à l'affaire, là, quand tu checkes les équipes là, qui scorent beaucoup de buts, là, admettons, là, qui ont une belle production offensive, quand là, même quatrième scoreur. Parce que, ouais. Il y a combien de points? 44. Il serait combien scoreur, mettons, dans un bon club comme les Rangers? On s'en fout, il n'est pas des Rangers. Ouais, c'est ça. Mais t'as peu. À Montréal. Puis il n'a pas joué avec Pacioretty toute la saison. Là. Si Plekanec avait joué avec Pacioretty toute la saison, Chris, il y aurait 60 points au moins. Hein? Dernier, il n'y avait pas 60 points. Je peux faire mon plus. T'es malade, Steve. Oui, Plekanec, c'est zéro un passeur, man. C'est zéro un passeur. Plekanec, là. Plekanec. Ah, il est pourri comme passeur. La Plekanec a 30 points. Il y a 30 passes. On fait nos moins. Il y a 30 passes. OK, il y a combien de buts? Dernier 31 passes. Il y a 22 buts. Ouais, dernier, ben c'est ça. Il est even, mais sérieusement, Plekanec, moi je trouve pas que c'est comme un grand playmaker. Dernier, c'est un passeur, il a 31 passes. Check le nombre de tirs passes de plus. Check le nombre de tirs que Plekanec a. Dernier, il a presque autant de buts. Ok, admettons, là, il est à 10 points de lui. Là, comme ça, il y a 3 encore de moins de tirs que lui. Hey, je dis ça de même, là, mais la période est finie, puis j'ai pas fait mon plus encore. Voilà. J'aurais jamais pensé qu'on s'ostinerait autant sur les plus. Mais c'est lui, hostie! Il a pris Chris Heller! Je vous l'avais dit que je vous surprendrais. J'avais dit Pross, mais je vais donner aussi un plus à Pacioretty parce qu'il est fucking plus 40 Pacioretty en ce moment. Ouais. Ouais, ça, c'est un Chris de bon point. C'est une bonne stat, ça. Fait que bravo, Pacio. Même si ton hostie de burger est sold out au McDo de Longueuil. Ouais. C'est pas de ta faute, là. Imagine si on n'avait pas un goaler comme Price, là, comment que le monde, là, il serait comme tout moins 20 puis moins 25. Ouais, puis on serait pas dans la position qu'on est là non plus. Ben, c'est là. Ça. Ce serait comme la température du Québec. Hey, je pense que Pacioretty est 5e ou 6e meilleur scoreur de la Ligue nationale. Ça se peut, il est dans les top. Il est 5e, il est à égalité 4-5-6. Non, il est 6e là, overall dans tous les plus buteurs. Il est top dans la Ligue de genre à peu près 10. Ouais, mais fait que la période est finie, mais on va quand même. Ouais, mais il y a quand même, ça veut dire qu'il est rarement sur la glace quand on se fait poter. On va quand même faire le tour de nos moins rapidement. Il est bon défensivement. Vas-y donc, Dave. Il est popé. Il est très, très responsable défensivement. Vas-y que t'es un moins, Dave. Mon moins, ben, Chris, un joueur en qui j'ai beaucoup d'attentes et qui a beaucoup de potentiel. Chris Galchenyuk, dans les dernières games. Je pense dans les 15 dernières games, ouais, Galchenyuk, il a genre 3 points. Qu'est-ce qu'il fait de la canette, hein? C'est terrible. Hey, si Galchenyuk, le nombre d'occasions qu'il crisse à côté du net, il tire sa pad, qui tire dans le chest. Un vétéran va l'aider. Il fait n'importe quoi. Non. Il est zéro confiance, il tire n'importe où. Non, parce qu'il a joué avec Plekanec, puis Gallagher, puis Gallagher marche pareil. Fait que, je veux dire, c'est le problème dans ce trio-là, présentement, c'est plate à dire, mais c'est Galchenyuk, puis je sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui, mais il y a de quoi qui se passe. On va demander à Vincent Stanley, je pense qu'il sait. He's in love with the coco. Puis mention déshonorable à Steven à Mitchell. Man, il est moins Tori Mitchell. Vite, man. Je pense qu'il a joué 4 games. Ouais, ben là. Vas-y, moi, avec ton témoin. Ah, puis aussi au Powerplay. Ouais. Ah, puis aussi à Tokarski. Ouais, ça, c'est mon moins à moi, ça, Tokarski. Le fromage suisse. Fromage fromage on en reparlera s'il y en a d'autres qui veulent. Ah, vas-y, donc, Marc. Ben, moi, tout, mon moins, c'est Galchenyuk. Mon moins, c'est Galchenyuk. Galchenyuk, sacrament, man. T'as un esti de shot de la mort, man. Esti, pis t'es pas capable de soigner ta shot jamais, là. Un esti de shoot de fou, talent, man. Il dégage une calice de fou. Il fait tout le temps sa calice de feinte, esti, qui essaie de se passer à pas quand les skates, man, là, de rentrer dans la zone, là. Ça marche pas, tabarnak, ouais. Man. Joue straightforward, mon gars, va au net. Esti, pogne le puck, man. Pis shot sur calice de talent brut, Galchenyuk. Probablement. Sacrement, c'est un 3e pick overall. Dans les meilleurs de l'équipe, sinon le meilleur de l'équipe. Mais man, présentement, il nous donne pas ça. C'est le meilleur. J'ai une question qui tue. Hey, Forsberg a été repêché la même saison. 5e, 6e, 2e, 6e. Ben, j'ai une question qui tue pour vous autres. Delarose, il y a quel âge? 19. Ouais. Galchenyuk, il y a quel âge? 21. Expliquez-moi donc pourquoi que Delarose joue au centre et Galchenyuk joue pas au centre. Parce que Delarose est plus responsable défensivement. Ben non, mais et il bah... joue sur une troisième et tout, là. Il y a zéro le talent de Galchenyuk, il y a zéro son patin, là. Aussi, ouais. Ça sera jamais un score. Tu pourrais pas mettre Galchenyuk pour c'est deux joueurs complètement différents. Ben non, ça, c'est sûr. Faut c'est deux joueurs complètement différents. C'est deux joueurs différents. Côté talent, Galchenyuk, mettons 1, 2, 3, Dernet, Plekanec, Galchenyuk, côté talent. Dernet, tu le mets pas dans le côté talent, là. Dernet, tu le mets dans le côté acharnement et travail. OK. Puis, bon passeur. Mais bon passeur, là, tu sais, mettons, là, tu es capable de faire une petite passe lobby, là. Tu serais capable d'en faire des passes, là, à Saint-Pierre-Ressy, là. Puis, il la mettrait dedans, là. Fais donc avec ton moins, Alexandre. Moi, tu sais, je. La canette! Non, je pourrais y aller. Je pourrais y aller avec Tokarski parce que c'était un esti de fromage suisse. Ouais, ça vaut à peine pas. Mais ça vaut pas à peine parce que c'est pas son rôle de faire gagner des. 3 victoires, on est 11 derniers. Ah, il est à chier, mais on s'en fout. Je veux pas m'acharner à ça. Je pourrais le donner à DSP, mais j'attends au playoff parce que je veux voir qu'est-ce qu'il y a l'air dans les playoffs parce que j'ai un petit peu plus d'espoir qu'en saison régulière. Mais je vais le donner à Heller. Parce que Heller, payé 4 millions par année, faire 17 points dans toute la calice d'année, moi, ça me décalisse. Je le vois jouer, puis je vomis. Ça me fait chier. Il me donne mal au cœur, il me donne des nausées, j'ai mal à la tête, je me sens pas bien, je fais de l'insomnie à cause de ça. Toi, tu le vois dans ta gazpacho, dans de la soupe froide. Moi, je le vois dans ma bolle. Je l'aime pas, je le trouve sans saveur, il m'excite pas, je le trouve plate. J'aime pas comme ça, le Mac 67. J'aime pas ça le voir jouer, je trouve qu'il apporte rien, je l'aime pas. Je trouve qu'il est à chier. Moi, je serais toi, je le dirais à Marc Bergevin. Parce que c'est Marc qui a donné 4 millions. J'aimerais bien ça l'avoir, mais il me l'a pas donné. Ah non, mais oui, c'est un texto à soir. Je suis d'accord avec toi pour l'argent qu'on donne à Heller. Je l'ai même dit souvent, ça n'a pas de crise de sens. Mais l'année qu'ils l'ont signé, là, il méritait son contrat. C'est qui ça qui méritait son contrat? C'est l'année qu'ils l'ont signé. Hey, en playoff, il était passé. Attends une minute. En playoff, l'année passée, en 12 games, il a fait 15 points. Là, je me fous peut-être un peu. En playoff, 12 games, 15 points. Là, tabarnak, 70 games, il a 17 points. Tu donnes pas 4,1 millions pour 4 ans juste parce qu'il a connu une bonne playoff. Mais je sais, mais il est capable de fournir en playoff. Pourquoi il est pas capable de fournir en saison régulière? Parce que si ça prend la moitié pour où? Est-ce qu'il va prendre une marche dans le parc Longueuil, tabarnak? Joël Legendre. Ça y est. Mais c'est ça. Moi, en tout cas. Moi, je pense que Heller, il bande jamais. Je pense que c'est un petit chouchou de l'équipe, là, sérieusement. Là. Heller mange mon pain. JF a envoyé son essence à la foule. Ah, tu comprends, Heller mange mon pain. Avec ton moins de JF. Fluide, esti. Mon moins, je vais y aller avec porte-manteau. Le tabarnak. Ah ouais, aussi. Hey, là, mon esti. Tout ça commence par ta mère, là, Alan Walsh, qui broye sur Twitter pour dire que tu fais 196 points dans les 4 dernières années. Ta mère. Sa mère, c'est pas ça. Alan Walsh et son agent. Son agent mère, OK. Combien qu'il y a eu de points par Anto dans les 2 dernières années? Honnêtement, 196. 20, 30 de points peut-être. Il serait à 40 points. Excuse-moi, mais à ce petit gros cave, là, regarde, tu es supposé être un bon producteur de points, mais dans le fond, t'en fais pas. Tu sais, il joue ses deux premières lignes, il fonce pas au net. C'est sûr que si tu vas faire des passes, si tu la donnes à Pacioretty, mais n'importe qui, est-ce ferait des passes, on l'a dit tantôt. T'es juste capable de lever le puck, là, puis Pacioretty va en mettre dedans. Ben, c'est pas un mauvais passeur, là. tu fais dur en tabarnak, tu mérites pas ton salaire, t'es juste bon parce que Tavares jouait avec toi dans le temps. C'est drôle, quand tu parles de porte-manteau, tu parles de salaire, mais Heller, ça marche pas. Non, c'est sûr que je parle pas de salaire, mais Heller, c'est parce que c'est deux rôles complètement différents. La job à porte-manteau, c'est du carré. Ouais, mais la job d'Heller, tu voudrais qu'elle soit la job de... Heller, c'est un centre défensif, sa job, ça serait de pêcher l'adversaire de côté. Mais c'est je suis pas d'accord avec son salaire. Parce qu'il est pas capable de scorer. Parce qu'en réalité, c'est pas comme ça qu'il était... Sensi, pas, mais, il était pas censé être demain. Non, parce que Gauthier l'a vendu comme étant le prochain. Il est pas capable de scorer et il est pas capable de faire un jeu. Il est à moins 8. Non, non, les gars, vous exagérez en esti. Il est à moins 8. Heller, il n'y a pas de vision. Il y a zéro vision. Il est à moins 8. Bah, il joue contre les meilleurs trios. Hey, fuck off. Non, fuck off. Les Canucks jouent contre les meilleurs trios. Non, mais Heller, il n'y a pas de vision par contre. Puis maintenant. Eh oui, arrête. Fait que ça fait le tour de la première période. On va aller se prendre un petit refill. Puis genre, j'ai donné Tarkowski, moi, mon moins. Ah non, mais j'ai même pas donné mon moins, moi, tout. Tu l'as donné. Tu l'as donné à qui, esti? C'est sûr, moi, je ne pas, moi. C'est ça, tu suis pas, tabarnak. Tu l'as donné à Galchenyuk. Ouais. Ouais. Hey, je peux pas suivre, moi je lead le show, là. Je vous écoute parler. Mais moi je veux qu'on parle de Tarkowski, bon. Bah parlons de Tarkowski de bord, vas-y Dave, c'est mon moins moi Tarkowski. J'aimerais juste nommer Lunane. J'aimerais juste dire Lunane. Tarkowski, il chie des pucks, man. T'es qu'un tocard. Tout il passe au travers. Hey man, la game contre Winnipeg, là, il y a pas le gabarit d'un NHLer, là, ce gars-là. Là. Sérieusement, là, c'est un minor leaguer, man. Dans le to-do list de Bergevin, c'est de trouver un bon second à Price. Parce que si Price serait blessé cette année, on serait-tu dans la merde? L'année passée, là, on avait Bout de vierge. Devin Dubnyk. Mais man, il est rendu Dave, avec là. Minnesota. Il a joué une vingtaine de games, puis il torche. Dans ses stats, il est quasiment au même niveau que Price. Ouais, mais pendant le nombre de pour 15 games. Là. Pendant ce temps-là, une vingtaine de games. Imagine comme deuxième goal. Pendant ce temps-là, il n'y avait aucun avenir. Là, c'était un petit coup de là. Pendant ce temps-là, Boudaille n'a pas gagné une calice de l'année. Dans la Ligue américaine. Zéro victoire, Boudaille. Ah, mais c'est ça. Allô, la retraite. C'était un coup de luck, là, Dubnyk. Il y a une ballonne, hostie. Elle va dégonfler. Il n'y a jamais rien gagné. C'est comme l'Hamburger. Ouais, mais des playoffs, Minnesota, ça ne durera pas longtemps. Non, probablement pas. Non. Ouais, genre, ça va être un genre de coyote interrompu. Je dis ça dans le genre. Dans non, le sens je te comprends. Je serais jamais mieux lui que. Mais tu sais, en même temps, je veux dire, tout le monde était gros, tout demandé Tarkowski l'année passée dans les séries. Là, ben, quand, moi. Quand il a gaulé contre les Rangers, je vais dire. Il a fait une crise de job, pareil. Ah, il a fait une crise de job, mais Chris, moi, à chaque fois que ça s'approchait du net, là, je me disais comme, bah, je m'attends à perdre. Je m'attends à se faire scorer. Ouais, mais c'est sûr parce qu'on le connaissait pas. Ah, mais non, c'est pas qu'on le connaissait pas. Je le regardais gauler. Je pense jamais mieux quand je le connaissais pas. Non. Mieux quand je le connaissais pas. La star, je sais que ça rentre. C'est sûr que ça rentre. C'est même plus une question. Hey man, je le regardais gauler pendant les playoffs. Il faisait des miracles. Oh, mais il rentrait sur une ballonne aussi. Il était lui-là, dangereux, ouais, mon gars. Il couvrait fuck all ses angles, man. Ah, ouais, il était comme. C'était de la luck. C'était de dire, c'est Dave, c'est quoi l'affiche de Tarkowski complètement, là? Ah, oh, attends, man, ça doit être 898. Parce que, imaginez s'il aurait gagné, s'il aurait une fiche de 500. D'après moi, là, on serait premier et on serait en avant des Rangers. En 16 games, il est 6-6-3. Hey, si, boy, c'est honteux. Avec 2.81 buts puis 910. Mais il est quand même en haut de 900 pourcentage d'efficacité. Ah ouais, je suis surpris, c'est surprenant, là. 91% d'efficacité. Ouais, parce qu'il était bon au début de saison. Bon. Il y a un blanchage là-dedans, début d'année. Hein. Il n'a pas fait un blanchage. Okay. Non, il y a eu une victoire depuis qu'il a scoré. Je pense que depuis qu'il a goalie, il y a juste une victoire cette année. Alors, sur ces informations très spécifiques, on va aller faire un entracte. Puis on va ouvrir pour la deuxième période. J'ai soif. Ben oui. On est de retour pour la deuxième période. Et on va parler du Canadien de Montréal. Pourquoi pas? En général, bon, bonne main d'applaudissement pour Sergei Gonchar qui a franchi le cap des 1300 matchs en saison régulière. Ouais, Rudy. Alors voilà. Hey, hein. Bravo Sergei. Bravo papy. Fait pour ça, tu vas avoir une belle paire de béquilles. Fait en bâton de hockey. Quand même un pas pire cap. Là. Il y a quand même un bon cap, Sergei. 1300 ans. Un gros cap. Un cap au vif, au site. Bon, ben, OK. Remettons-nous en crise, là, puis parlons de Devin Smith-Pelly. DSP! DSP! Là, soyez pas les Kirikou, là, OK? À qui? Soyez pas les Kirikou. Kirikou? Ouais, OK, vous savez pas c'est quoi? Non, ça, c'est la même référence à Paulo Coelho. Paulo Coelho, l'écrivain. Va googler Kirikou, puis tu vas me comprendre. Comment? Quoi? Va googler Kirikou, puis tu vas me comprendre. Tabarnak, ça s'écrit comment? C'est quoi, ça? Tabarnak, c'est un championnat de Kirikou. K-I-R-I-K-O-U. Hey, c'est déjà perdu, Carlis. Ouais, t'as peu. Kirikou et les hommes et les femmes. Ouais, non, ok. Vous, là. Là, on parlait de DSP. DSP. Dynamite. Okay. Bon, DSP qui a un dé. Dans sa bulle, est-ce DSP qui tarde à débloquer en offensive. Ben là, ouais, en offensive, il fallait pas espérer grand-chose de DSP. Effectivement. Ouais. Ton soundboy, est-tu comme chier, toi? Ou... Non, c'est parce que j'ai un extrait sonore qui s'en vient de Michel Therrien par rapport okay. à DSP. Fait qu'on a le temps d'en parler. Là. On va en parler, mais justement... Okay. Therrien s'est fait poser une question par rapport à DSP qui se retrouve au sein du quatrième trio. Fait qu'on écoute ce que Michel avait à dire à ce sujet. Il ne faut pas faire un beau plat avec les changements de trio, parce que je vais vous avertir tout de suite. Demain, il va probablement arriver 10 durant le match. Quand les changements de trio, ça arrive, c'est vite. Faut toujours avec un rip. Faites-moi des gars qui lèvent juste la patinoire. Avec donc, la rip. Faites-en pas une grosse histoire avec ça. Est-ce que tu aimerais quand même le voir débloquer offensivement malgré tout ça? Ou ça ne t'inquiète pas partout? Bon, on veut tous que nos joueurs débloquent offensivement. On veut tous que les joueurs contribuent offensivement. Question de marde. Pas seulement lui, là. Hey, t'aimerais-tu gagner la coupe, Michel? Ah, oh, bah, je sais pas, tu sais. T'aimerais-tu que t'aies joué des blocs? Ouais, ouais, de la rip, lui, il veut de la rip pressée, je sais pas, là, mais... Ah, mais sacrément! Il veut toujours que nos coups contre le but. Tu sais, c'est quoi? Ils s'attendent que Michel Therrien va arriver puis il va parler dans le casque de Smith Pelé. Il va dire: hey là, si, faut que tu commences à scorer des buts, le gars, là. Tu sais, c'est comme ça, marche pas de même, changement de trio, là, c'est vite. Hey, Smith Pelé, là, il est crissement pas skater, ce gars-là. Là. Ben non. Puis deuxièmement, là, il a crissement pas de shot. La seule affaire qu'il peut faire, là, Smith Pelé, là, c'est se colisser deux patins dans la glace en avant du goaler. Puis s'il est bien chanceux, là, il se ferme les yeux bien fort, puis le puck il dévie dessus, puis il rentre dans le net. Chris peut pas faire plus que ça, tabarnak. Ouais, il s'en va dans le coin, c'est un gros bonhomme. Il s'en va dans ben le coin, il va sortir la poche. Oui, il va le faire, ça. Il avait l'énergie. Mais Chris, il manque de patins pour aller dans le fond de la patinoire pour faire du gros fire check de fou. Toi, tu vois sur les mêmes commentaires de Michel qu'il est pas assez en forme, là. Ah! Ben, possible, man. Moi, j'ai encore mon affaire de Kirikou dans la tête. Ça me fait juste penser à Kunta Kinte. C'est quoi qu'il pose, le gars, comme question? Il demande... Il demande que t'es un film. Il demande t'es-tu inquiet que DSP se ramasse sur le quatrième. Je parle de DSP là. De DSP? DSP? Il a demandé à Michel, dans le fond, si ça l'inquiétait que DSP se ramasse sur le quatrième trio. C'est ça la question de base. Mais t'as rien. Non, là, le changement fait... trio, c'est vite. Là. Ah ouais, il va faire 10-12 dans une game. Check ouais, ça. Mais t'as rien, c'est ça. Vite, pourquoi qu'il dit ça, tabarnak? Parce que là, il commence à être coquet avec le journaliste. Puis c'est genre, fermez vos yeux avec les changements de trio. Là, il commence c'est à lui ça. Répondre. Ouais, là. C'est ça. Il commence à être écœuré. C'est là qu'un journaliste va être critiqué. Là. C'est ça. Je vais venir à un point que TVA Sport, dans le fond, vraiment, sont vraiment pourris en anglais. Là, parce qu'ils ont interviewé Smith Pelé pour lui demander ça te dérange, tu t'as trouvé sa quatrième ligne. Puis il a dit. Oui, puis Alex, t'es en crise de ça, de ce que DSP a répondu. C'est ça, mais j'aimerais ça savoir ce que vous en pensez, les boys. Premièrement, il n'a pas vraiment dit on s'en fout. Il a dit it doesn't really matter. Mais en même temps, si tu dis it doesn't really matter, ça veut dire que. Ça, c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça. De jouer sur la quatrième ligne. Non, il faut que tu écoutes le contexte au complet. Si tu dis je suis en tabarnak, c'est pas mieux non plus. C'est quoi qu'il dit? Ben oui, man. Je veux que tu me montres que Chris, tu veux, man. Ben non, mais. Ouais, mais attention, on parle d'un gars de troisième ligne qui joue sa quatrième. Ouais, mais parce que si tu dis ça dérange pas, c'est que toi, peu importe où tu te places, tu t'en calisses. Ben c'est ton temps de glace. Alex, il disait ça. On jouait de ça dans le chat, puis Alex, il a dit ça. Si tu dis. On s'en calisse. Ça dérange pas. Ça dérange pas que je sois sa quatrième ou sa troisième. Ça veut dire que tu t'en calisses. Que toi, ouais, c'est vrai, c'est ça. Il peut placer n'importe où, ouais, tu t'en calisses. Écoute ce que Therrien vient de dire. Qu'est-ce que tu penses qu'il dit à ses joueurs? Hein? Il vient de dire qu'il va avoir 10-12 changements. Je comprends pas. Non, mais c'est parce que dans le fond, Therrien, là. Moi, ce que je comprends avec Therrien, c'est que, gars, faut oui, pas mais, s'en faire avec les trios. Oui, il va avoir plein de changements parce qu'il va y aller avec la performance que tu lui donnes. Si tu y en donnes, il va t'upgrader. Non, mais t'as peu, attendez un petit peu. Moi, je pense que Therrien. Moi, je pense que Therrien dit ça parce que, dans le fond, il se défend parce qu'il se fait souvent critiquer d'être un coach qui joue beaucoup avec ses trios puis il n'est pas steady. Fait que là, je pense qu'il se défend plus lui-même en disant ça. Gars, moi, là, gars, quand même bien que vous me critiquez, là, des changements pendant une game, là, je peux en faire 10-12, puis gars, surprenez-vous pas. Là. Ben, c'est moi, ça, je suis d'accord avec le cul. Quatrième trio. Je suis d'accord avec le fait qu'il faut prendre le contexte de Smith Pelly, là, mais il faut aussi se dire une chose, c'est que si tu dis que « it doesn't really matter », non, man, vas-y donc avec une attitude gagnante. Ben, dis, gars, je vais donner tout mon meilleur pour genre faire ce que je peux faire de mieux sa quatrième pour aller chercher mon temps de glace. Dis pas, it doesn't really matter, man. Ouais, mais si tu dis, it doesn't really matter, c'est parce que tu t'en calises d'être à 4 puis tu t'en calises d'avoir moins de temps de glace non, parce que quand t'es à 4, t'as moins de temps de glace. Il fallait écouter ce qu'il disait au complet. Mais c'est quoi qu'il disait au complet avant? il disait, ça n'a pas d'importance parce qu'il dit, dans le fond, je vais être sa quatrième ligne, puis ma job, ça va être ci, ça. Il comprenait le rôle que le coach lui a demandé de faire. OK, il le prenait avec philosophie, là. Exactement. OK. À la Polo Coelho. Puis il prend sa quatrième ligne avec Mitchell ou Flynn, là, peu importe. Ouais, Mitchell, man. Tu mets pas Mitchell. Prost, puis Smith Pelé sur un trio, là, ça peut être un bon trio énergique, ça, les deux ensemble. Ben, moi, ma lettre, tu me l'amènes de même, c'est sûr que... Si tu me l'amènes de même, c'est sûr que je fais comme... Ouais, OK, c'est bon. La personne qui va... Parce que j'ai pas entendu, moi, l'extrait. Je l'ai pas entendu, cet extrait audio-là. Tu me dis que c'est le même, que c'était dans ce contexte-là, je fais comme... OK, oui, je comprends le sens que tu veux dire, tout ça. Si le gars, il dit... Moi, là, je m'en fous, troisième ou quatrième. Non, tu peux pas dire ça, parce que t'as des gars qui se battent. Parce que les gars qui se battent comme Malotra, man, dans l'eau bénite pour jouer sur un calice de quatrième trio. Puis toi, tu es le quatrième trio, t'as tout le temps ta place. Puis là, tu fais comme, ben fuck you aux autres. Tu sais, tu comprends-tu? Il y en a qui se battent. Ça fait juste démontrer que c'est d'abord que c'est du grand journalisme. Puis que tout ce que TVA Sport a voulu highlighter, c'est le big title. C'est ça qu'ils ont fait. Pendant, il a jamais dit I don't care. C'est un clickbait. Puis en plus, là, sur Twitter, là, sur le, mettons, sur l'article qu'ils ont voulu démontrer, là, c'était son langage non-verbal en dit long. Chris, le gars, il vient de pratiquer, il est essoufflé, il est à côté de même, puis il parle relax. Puis en plus, il y a quelqu'un qui pitch du tape dessus, tu sais, le gars... Il pitch du steak? Ouais, du tape. Du papier. Non, c'est vrai, tu sais quoi. Il a lancé un steak. Il pitch un match 77. Il a lancé un canapé, c'est un steak. Encore là, c'est pour démontrer que TVA Sport, sacrement, c'est de la calisse de merde. Moi, ça me fâche en esti. Ça prend le monde pour des caves. TVA Sport, du journalisme, man, c'est... C'est le journalisme, en général, c'est ça, man. Non, mais t'as peu, ouais. Mais TVA, j'avoue, son dernière heure, puis Québécois, Média, tabarnak. On regarde pas... On aime ça, là. Hey! Son journal de la fois, là. On décrit. C'est pas comme si on lisait Bonne semaine. Tu sais, on écoute du hockey, là. L'affaire, là, aussi. Bonne semaine? J'ai une source. Bonne semaine. J'ai une source qui m'a parlé un peu comment ça se passait, les meetings dans la semaine. Dans le fond, là. TVA. Comme le joueur. Je vais perdre ce que je vais dire si je continue de même. Vas-y. Hey, good semen, tout le monde. C'est TVA Sport, dans le fond, là, des meetings pour préparer le match du samedi soir, là. Leur but à eux autres, là, sur le tableau, c'est OK. Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux que RDS? Pendant toute la semaine, c'est ça. C'est sûr. La réponse, c'est pas grand-chose. C'est ça, mais c'est comme si... Pas grand-chose. Ah non, ben, eux autres, t'sais, dans le fond, là, c'est la super caméra, le super angle, le super commentateur. Les super sujets! On s'en calisse, asti, de votre super tabarnak! La super soirée des étoiles! Jeff va exploser. Oui, il était sur le bord. Les super séries play-off de hockey canadien au Québec à TVA Sport. Hey, tabarnak! Non, ça commence par TVA Sport, puis ça dit TVA Sport à la fin. Ah non. Le premier jeu blanc à TVA Sport! Là, c'est comme... C'est sûr qu'ils vont dire le premier match des séries à TVA Sport. Non, regarde, je vois qu'elle est la bière. Là, c'est là qu'on prend une pause puis qu'on fait un selfie comme Price sur le bord de la bande. Il casse la bière. Jeff va voir. Ah ouais. OK, ça va. C'est bon. Mais je t'avais dit de la réchauffer. Jeff, le seul gars au monde qui se plaint que sa bière est trop frette. Non, j'étais plus capable. J'avais mal à la gorge. Lui, t'as le recalé, mais tablette, genre. Oh, tabarnak. Non, mais c'est tellement bon, tablette. OK, on va passer au prochain sujet que j'ai ici. Il se gratte le haut des dents. Ça me pique, si! Jeff, il suit du chess. Comme démangeaison. Il s'est renversé de la bière, c'est le chandail. Maudit. Trop de Max 67. Il est mourant, ce GF-là. Oui, il arrête de mourir, peut-être. C'est ça. Tu as ton bras gauche, là? Il est engourdi du bras gauche. Ah, fuck! Apportez-moi le pistolet. Bon, j'ai deux autres extraits de terrien. Cette semaine, il y avait le meeting des directeurs généraux, je pense. On s'en calisse. Ouais, il y a deux semaines. On se calisse du meeting. À Boca Raton. Il y a un super club. Je checkais ça. Eux autres, Chris, là, ils se font tout le temps ça. Nous autres aussi, on pense en faire un petit beau caraton. Non, nous, on va se faire un lac à l'épaule. Ah ouais! Non, un lac la biche. On s'en va sur un saut au lac la biche, tout le monde. Lac la biche, qu'est biche? Fait que dans ce meeting-là, ils ont parlé de faire les overtime en 3 contre 3. Pas au complet, je pense. Hein? Mais, non, mais ça, on en reparlera en troisième période. Mais ça, ils font dans la Ligue américaine là, en ce moment. Là. Ils ont posé la question à Michel Therrien, puis Michel Therrien voulait rien savoir de la question, fait qu'il a répondu à autre chose. Fait qu'on écoute... Nice. On écoute les commentaires de Michel Therrien là-dessus. mais je suis convaincu qu'ils vont parler vont tenter, j'imagine, de trouver une solution pour la protection des gardiens de but. Je pense que c'est beaucoup plus une préoccupation, la protection des gardiens de but, en ce qui me concerne, que jouer à 3 contre 3. Fait qu'il répond absolument pas à la question qui était « Qu'est-ce que tu penses 3 contre 3? » Il y a un journaliste qui avait l'air pas poli en arrière. Hein? Il était là. Ouais, je vois, il y avait les gens qui rentrent dans le micro en arrière. C'est un gars de TVA Sports. Oui, il a mangé. Ça devait être Louis-Jean. C'est Patrick Lalime, le hamburgler. Hé, hey, ton pas record, on s'en calisse. Le hamburgler. Le hamburgler n'a pas égalé mon record. Je suis fier. J'ai un autre dernier extrait de Terrien qui est succulent cette fois-ci, par exemple. Michel Therrien compare son alignement à une salade de fruits. Ah oh, oui. Là, Michel est rendu dans des allusions culinaires. Il l'a pas déjà fait, tu sais. DSP, ouais. C'est la poire. Il l'avait déjà fait. Non, pas la salade de fruits. L'ananas. Non, la salade de fruits, c'est nouveau, là. Mais il avait fait une espèce d'allusion de même de salade de fruits. Non, les commerçants, c'est acide, des cerises, c'est acide. Non, mais on va l'écouter. Non, c'est Patrick, l'ananas. Non, on va l'écouter, je l'ai exactement. Alors, on écoute ça. Ben, ça prend un mix, hein, de tout croissant. Ça prend un mix de joueurs au niveau de ta défensive, ça prend un mix de joueurs au niveau de tes attaquants. C'est une salade de fruits, là. Les cerises sont bonnes, mais tu ne peux pas il trop en avoir. Ça prend des ananas, puis c'est une bonne salade de fruits. Ça prend un mélange. Trop de cerises, c'est ta mère. Alors, ma question subséquente, qui sont les ananas pour les Canadiens de Montréal? Ben, la première question, c'est des cerises, c'est pas amer. Je me suis dit la même affaire. J'ai entendu ça la première fois, je fais tabarnak, de quoi des cerises? Trop de cerises, c'est amer, c'est sucré! C'est trop de cerises dans la coke, c'est au début de l'extrait, qui c'est qui crossait? C'est qui? Attends, on peut le remettre, c'est vrai. Le début, il crosse. Il parle de croustade, man. Non, il parle de crosser. De toujours croire ça. De toujours croire ça. Ça prend un mix, hein. De toujours croire ça. Ça prend un mix, j'ai toujours cru à ça. Tu parles tellement vite. Alors, ici, à la soirée du podcast, nous avons le dictionnaire français Michel Therrien. On est correct. Vous avez une question sur le vocabulaire de Michel Therrien? On toujours croire ça. Il donne pas une recette de choses au croissant. Non, puis on pourrait dire on vous le décrypte. Rip. Oui, rip. Ok, c'est bon. Il n'y avait rien à dire. On roule. On enchaîne. Des ananas, puis des ben, cerises. Il n'y a pas grand-chose dans sa salade juste de pour fruits. Dire, non, mais c'est ça. Ben, juste pour dire un point, pour venir des, à... Des ananas, c'est acide, tu en plus. Martin va être d'accord avec moi. Là. Pas sûr, là, avec tes, ton... Vas-y, mais let's go. Je t'écoute. C'est parce que le monde... Heller, il est quoi comme fruit? Heller... C'est le fruit qui goûte à rien. C'est un citron, c'est une carambole. Non, mais l'affaire, c'est que... C'est trop exotique. Un fruit qui Moi, ce que j'aille le plus, c'est que TVA Sports arrête pas de mettre dindan la transaction Sekatch Smith Pelly. Ce que Therrien voulait dire, dans le fond, c'est que faut pas que tu aies toujours des joueurs avec le même style. Faut que tu mélanges tes trios. Faut que tu mélanges tes joueurs. Avec cette transaction-là. Je sais, c'est correct. Mais dis-les donc TVA Sports. Puis dis-là à toutes les crises de groupies de Sekatch. Sekatch est Sekatch, man. Puis aussi, ce qu'il voulait en venir, là, ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est que les duos défensifs, ils mettaient un gars qui frappe puis un gars qui bouge la rondelle. Mettons Subban, Markov, Petrie avec Yemlin. Après ça, j'aimais beaucoup le duo Patrin-Beaulieu qui n'a pas duré longtemps. Là. Mais c'est ça qui arrive, c'est que là, on commence à préparer de quoi. Parce que t'étais le seul à l'aimer. Lequel? Non. Le duo Patrin-Beaulieu? Ouais. Hey, hier, Beaulieu, as-tu failli commettre un meurtre à la ligne bleue? Ben, tabarnak, Petrie, s'est-tu fait assassiner? Quand il est allé sur l'ad, puis il l'a manqué. Non, ouais, non pas Petrie, il a beurré pas, par exemple. Il a beurré pas. Ça, c'est comme quand je disais là, la shot quand Emeline, il avait comme exagéré son move. Petrie, hier, là. Ben, ça méritait une pénalité. Puis il s'est fait tuer en plus, hein, parce qu'il a fait comme un petit fake ass. Il a beurré. Il a pas eu dans le dos sa bande, tu sais, mais. C'était, après pas, ça, c'était pas du beurre de Beaulieu, là. Beaulieu, c'est la bleue qui pognait l'ad, là. 10 cm après, c'était une commotion. Hey, l'ad, c'est un esti de pas fin, ça. Il est pas cool. J'adore ce joueur-là. Ouais, Andrew Ladd, il est fou, man. Bah, ouais. Brian Little aussi. Il a pas voulu dropper Brian après. Brian Little, il est petit. Ouais, il est petit. Pas bison, non. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. Quel commentaire. Ouais, mais il fait ses points. Juste... Il fait c'est le genre de gars, quand t'es dans ton pool, t'es rendu à Brian Leto, t'es comme... Non, ouais, mais Chris, il fait plus de points de Plekanec. Tu prends qui, toi, entre Oh, excusez, c'est vrai. je laisse Alexandre commenter là-dessus. Alors, mais Chris, Ovechkin, il fait plus de points que Plekanec. J'ai parlé, j'ai de parler genre à la Plekis Army, ça, là, je m'excuse. Tu vas te faire greffiner. Ouais. Le noyau de la Plekis Army. Ça va me faire attaquer par un col roulé. je l'ai pas vu aujourd'hui. Je vais me faire avaler par un col qui déroule. Ouais. Moi, un joueur, si un joueur pouvait faire plus de points que Plekanec, je serais content. Mais Chris, il est deux hommes marqueurs du Canadien. Allez chier. C'est sûr. C'est ça. Avez-vous d'autres sujets, vous autres, avec la période de sur le CH ou... Sur le CH, Chris, on va en parler bien des affaires, là, pour vrai. Là. Tucker Husky, là, il est fucking trop petit. OK, Pierre, là, il y a eu un goût, là. On l'a dit tantôt. Non, mais vraiment. Ah, mais je reviens dessus, man. Hier, là. Ok, t'as peu. Hier, il y a eu un but, là. De Tokarski. Elle a eu ton plus. Est-ce que okay, tu calisses? Non, non, mais t'as peu. Hier, là, il y a eu un but de Tokarski, là. Qui a donné un rebound. C'était le but à. Ah, il y a zéro contrôle de la rondelle. Si, ouais, man. C'est malade. Il a donné un rebound. Il est en style papillon. Il fait comme un kick save. Il donne un rebound dans le slot, direct en face. Ouais. Puis le retour revient sur lui. Le gars, il fonce, man. Clac, est-ce qu'il envoie le puck? Il bouge battu, à peine sa pad, man. Non, mais il a bougé le pied. Il a comme resté vissé dans la glace. C'est comme sacrament, man. Tu bouges-tu ou tu bouges pas, là? T'aurais-tu pu essayer comme le plongeon à droite, mais en calice, man, de la nage synchronisée. Arrêtez n'importe quoi. Arrêtez des pucks de dos comme Price. Et tiens-toi, à la pad un peu plus loin que ça. Il a bougé le bout du pied. Genre, c'est comme... C'était pas assez long, là, ton affaire, là. Rajoute les plus longs, man. Je fais des arrêts de dos. De dos, ben ouais. Tu sais, c'est comme tabarnak. Wake up, calice, là. Ah, wake up, man. Sacrament. Là, je l'ai défendu. J'ai donné deux games à Steve, trois games qui avaient gaulé comme, on va se le dire, comme de la semi-marde, là. OK? Non, la là, Chris, hier, là, il avait comme, il était pogné dans son crease, man. Il bougeait pas. Il était comme, un gars là qui est pas en confiance, tabarnak. Mais Chris, il a chip à Théodore, tabarnak. Je vais donner, ben, je dirais pas le bénéfice du doute parce qu'il a été mauvais. Non, mais il a été mauvais. Trois buts, un 8 tirs. Il a été mauvais parce qu'il a accordé beaucoup de buts. Mais on s'entend-tu que quand les Jets rentraient dans la zone, les défenseurs étaient mauvais. Ok, pas ouais, puis on va, on va le dire. Oui, là, il était mauvais. Là. La shot de Dernay puis Petrie qui se sont rentrés dedans. Là. Mort en perd son micro, est-ce ah, ça, c'était ordinaire, ouais. Je savais mon acier, est-ce c'est vrai que c'était ordinaire en perd. Remettre à mousse, Mort. Des harnais qui est... Hey, tabarnak! Hey! T'as un peu, là, on peignait mon micro, là. Hey, est-ce là, les deux couillons, calice, là, vous êtes pas calés avant d'arriver, est-ce le puck dans le coin, là? L'aurait est sacrament, là. Oui, est-ce là, je la mettrais à la toune de Benny Hills. Deux crises de jambon, mais oui, est-ce là, t'es comme au Cirque du Soleil, tabarnak, là. Fait que la période s'achève, je vais juste donner un commentaire par rapport aux Bulldogs. Les Bulldogs, ils vont déménager pour deux ans à St. John's. Ouais. Avant de s'en aller à Laval, ça. Ouais. Pensez-vous que ça va avoir un impact sur la jeunesse du Canada d'être à Laval à côté du Mumba? Ben, ouais, puis, moi, je pense que c'est mieux pour les Ouais, ben moi, je pense que oui. Ben moi, j'aurais envie de te dire que dans le bas de Laval, la poudre est vraiment pas chère. Déjà, les Bulldogs, ça va pas bien en ce moment avec le petit coach de marde qu'on a, là, puis la jeunesse qui fait pas la job. Les Bulldogs, ils s'approchent pas. Mais l'avantage, c'est pour les rappels, ça va être génial, par exemple. C'est ça. Ouais, on va être à côté tout le temps. Puis en même temps, les entraîneurs pourraient. Ce qui se passe à peu près dans toutes les équipes de la Ligue, les équipes sont souvent. Les clubs écoles sont souvent proches de leur team, souvent. Là. Ben, ça donnait aussi le local. Ça dépend. Ça dépend. Ils sont loin. Mettons, mais dans beaucoup de cas, sont proches. Ouais. En plus de cas, sont proches que loin. C'est ça, les coachs vont voir plus facilement aller monter. Mettons, faire un tour, voir les joueurs. Dire au coach, Stephen, c'est de la marge. Genre. C'est, ben, Stephen White, dans le fond, il pourra peut-être des fois plus souvent aller voir, mettons, un gars comme Foucalé, des choses de même. Fait que, je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est un avantage. Hey, Foucalé, là, il gaulera même pas. Ben oui, tabarnak. Ça va être leur autre gardien pour les séries. C'est lui qui a gaulé. Pour Team Canada. Ouais. C'est malade, hein? Ouais, mais il y a eu 8 victoires en 16 games, ça fait dur, là. Ouais, mais ils ont perdu. C'est comme une prise d'attache. Ouais, leur goal a gagné 7 de ses 9 derniers games. Ouais. Alors, à voir si ça va impacter. Ah, il doit avoir mal au pèteux, man, je sais pas. Impacté. Qui est ça, porte-manteau? Ouais. Ah, porte-manteau. Hey, Chris. Hey, porte-manteau, en plus de ça, il y a un trademark. J'ai dit ça sur notre chat entre nous autres l'autre jour. C'est un call à mon père. Encore? Ouais. On va l'inviter ton père sur son podcast bientôt. C'est ça. On décolle le smart, on invite son père. Là, hey, ça serait pas drôle. Toutes les idées originales viennent de verre au père. Hey, c'est ma source. Hein. On va une source. On se fait un épisode spécial. On fait un épisode spécial en fin de saison. On invite tous nos pères. Ciboire, être beau en Grèce. On rachète une coupe de micro et puis une coupe de bière. Si donne une coupe de bière à mon père, ça va être là de suite. Gaétan pis Gaétan, calvaire, c'est mon père, il a mèche courte avec des Gaétan Canadiens. Pis le beau Gatan. Gaétan pis Gatan. Alors, ce soir, on va aller faire une deuxième entraque. On revient pour la troisième période avec Round the NHL. On est retour à la troisième période. Et c'est maintenant le temps de tour de... Je me trompe tout le temps. On fait le tour de la Ligue nationale. C'est maintenant le temps de tour. Round the NHL. C'est maintenant le temps de tour. En troisième, il faudrait que je l'ai appris record cette phrase-là pour la troisième période. Alors, c'est tout la même phrase, genre. J'étais le même 3-4 mots dans le show. Je dis rien au vrai ici. C'est comme c'est un robot qui parle. Tout se passe sur des pitons. Alors, commençons avec un ancien du CH. Almost Book qui blâme Michel Therrien pour ses insuccès. Jeff a des. C'est mon pain partagé. J'ai lu l'article, puis dans le fond, c'est pas compris. Le gars blâmait Michel Therrien carrément pour son improductivité avec le Canadien de Montréal. Je jouais pas assez. Puis. Dans le fond, pour moi, là, il a scoré peut-être quoi 4-5 buts depuis qu'il est avec les Blue Jackets déjà. Je pense qu'il n'y a même pas il a même pas 10 buts encore. Non, ben il a scoré par contre, je pense 4 buts depuis qu'il est avec les Blue Jackets en 2 semaines. Mais ça, tout pour ça, moi, blâmer un entraîneur, là, c'est pareil comme Jean-Pascal qui blâme son tympan perforé pour sa défaite. C'est de la merde. Ça vaut ce que ça vaut. Ben c'est sûr que ça vaut. C'est sûr que ça pèse pas beaucoup dans la balance. On regarde ça tous les angles. Excuse-moi, maman, j'ai pas réussi à gagner mon combat, maman. Maman. Eh ben moi, je suis. C'est moi, Jean-Pascal. Je suis 3 fois champion diamant. Pis si j'ai perdu à la pesée, c'est parce que la balance. Jean-Pascal, ça, c'est un boxeur. C'est un boxeur. C'est le frère de Kérico. Ça vaut même pas la peine de parler de non, regarde, je vais te dire, moi, Jean-Pascal, là, c'était nasty mauvais boxeur. Ah ouais, j'ai vraiment été déçu de son combat. Ok, c'est bon. Dans le cas de René, je te call out, mon nasty. Qui? René. Ah, René Bourque. Hier, je me suis couché, puis j'ai eu un rêve. C'est pas ça que je voulais mettre pendant tout. Il a rêvé à René. Dans le cas de René. Ça vaut même pas la peine de parler de ça. C'est juste ça que j'en pense de René Bourque. Qui mange la merde, tabarnak! Ben oui. Mange la merde. Asti, j'ai le prou, je m'attends pas. On va voir si on peut former des playoffs cette année, mon cher. Non, mais René Bourque, sérieusement, là, y en a-tu scoré des calices de buts, par exemple, avec nous autres l'année passée dans les playoffs? Oui, mais c'est tout ce qui s'est passé. Asti, qu'il en a scoré. Il y avait le bâton chanceux, man, de ce gars-là. C'est comme Pizzani qui a scoré, je sais pas combien de buts Edmonton dans le temps. Fernando Pizzani. Ah oui, lui, là. Ah, je pensais que je voulais dire Pete Cannon, man, je me suis trompé. Non, Pizzani. Je sais pas si le passe très bien. C'est comme Bergenheim, là, un autre, là, style. Bergenheim. Il vient de Asgard. Bergenheim, c'est pas le c'est pas un pilote de feu, ça? C'est pas le méchant dans... Non, mais c'est sérieusement. Bergenheim? Non, c'est Sean Bergenheim. Non, mais René Bourque, il y avait un bâton de hockey qui venait de Asgard, certains, là, l'année passée. Il y avait juste ça, man. Il y avait de la man, dedans, là. Mais non, Marty Taub, esti, il était ça à poudre solide, ce gars-là. Acheté au lac Labiche, man. Prochain sujet. Ça a l'air qu'ils font de la bonne poudre au lac Labiche. Ben ouais, c'est du sable, esti. Du sable bitumineux. Il sniffe du sable bitumineux. Je sais plus quoi répondre encore. Ok, vas-y. Si et jambes. Ok, si et jambes. Ça se fait tout. Hey, Jeff, gars. Vas-y, anime-les, ton petit show. Non, mais le prochain sujet va faire pomper Alexandre ici présent. On parle de José. José Théodore qui voulait revenir au jeu cette semaine. Cette semaine? Ouais. La semaine passée, peut-être. La game, pour faire référence. Aux Panthers, ouais. Il disait que dans le fond, il avait même appelé les Panthers pour offrir ses services. On dit qu'il était là dans une demi-heure parce qu'il habite à Boca Raton. Ah, si, j'ai. Oh, pas taillé, c'est pas vrai? Il habite à Boca je Raton. Je l'ai vu, si, j'ai ouvert mon téléphone. Je suis allé sur mon application G5. C'est Louis Morissette qui était avec. Elle est comme qui a tweeté la photo. Puis là, il avait écrit j'ai offert mes services aux Panthers. Ouais. Puis il y avait un cigare dans la gueule. Puis j'ai lancé mon téléphone, il a fallu que j'en achète un autre. Il y avait des gouttes. Ah, si, Théo, ferme ta calice de gueule. Hey, sérieusement, lui, d'abord. Ton linge est lettre. Il doit. Mange donc mon Théo, pain. Théo embarqué sur la glace, là. C'est cassé les mollets. Hey, c'est. Eh oui, esti. Ah, fuck off, esti. Oh non, ouais. Hey, Théo, là, tu serais pas mieux que Tokarski. Théo embarque sur la glace, il se blesse au rein, là. Yeah. Il a mal aux cheveux. Théo il retourne dans la Ligue nationale, là, il y a ça encore comme des pads ça, avec des bananes dessus. Là. Des pads comme lignées. Là. Ah, ouais, moi, mange mon pain. Ah, ouais, moi, je m'en calisse. Ça, c'est ma bite. Il y a des grandes dents. Non, mais Théo. Hey, non. des grands. Fais tes reportages de la Floride, là, puis call les nous d'appel. Attends, t'es en train de dire que là, il est en Floride, puis fait des reportages à TVA Sport, genre de loin. Ouais. Non, il vient. T'es pas sérieux? Il vient à Montréal une fois de temps en temps. Ouais, pas tout le temps, mais souvent, il est à TVA Sport. Il se pogne un charter. Il est dans son bureau, puis en arrière de lui, il a son Chris de Trophée Hart, puis son. Il est tellement lit. T'es pas sérieux? Il a ses casques, puis là. Il est de même en Floride, oui, c'est une je très belle période. Ouais, mais il est dans le studio souvent. Ou tu des fois. Ou il fait bon jour. Ouais, il vient à Montréal. Des fois. Avec un vol nullisé. Ouais. Mais non, mais sacrément. Avec German. Il y a un bac dans le sous ta bagage. Chris, moi, je donnerais un vol avec German Airlines. C'est bon. J'aurais une question pour du cas de TVA Sport. À quoi vous avez pensé en prenant Théodore comme analyste? Ouais, à quoi? Non, sérieux, là! J'adore que Jeff regarde la caméra comme s'il nous écoutait, c'est merveilleux. Allez, répondez! Appelez-nous, on attend votre appel! Donc, on attend votre réponse, on n'est pas sorteux, on peut fermer tard. Gang de pédales! Ouais? Des pédales? Ah, mais parce qu'il n'y avait personne d'autre, tu vois bien que c'est une équipe de peddlers de marde de TVA Sport. Qu'est-ce que c'est pas? Cherche pas tes mots, hey, va avoir, laisse-toi aller! Il va avoir TVA Sport 3. Ouais, juste de la assez de matériel à TVA Sport. Ils vont se planter. Pour partir un 3. Même un. Ils pensent quand même le même Red Bull Air Racing. Là, même tout un. Ça, le 1, ils ont pas assez de stock. Il a même pas assez. Oui, il dirait ça. Ils ont de la misère à remplir les codes d'écoute de TVA Sport 1. Ils ont déjà un 2. Ils vont se planter avec ça. C'est sûr qu'ils se plantent. TVA Sport 2. Le 2, c'est quoi qui se passe? La reprise de TVA Sport 1. Puis c'est quoi? C'est un bulletin en continu? Non! Non. C'est pas Sport 30, là. C'est pas ADS Info. Hey, là, vous me faites tomber en bas de ma chaise, arrêtez. Ça joue aux dames. Ah non, tabarnak, c'est expose, ça se tire. Le pire dans tout ça, là, c'est que cette hostie d'affaire-là, là, c'est une crise de gamique qui fait que quand tu prends un des postes, il faut que tu prennes les trois. Fait que ça t'enlève comme ça. Ah, le 3 aussi, voir tu fasses ça. Ouais, j'ai été chanceux parce que j'ai évité ça. Si, c'est tout parce que j'ai pris TVA Sport. Tu manges 3 postes dans le fond, on va prendre 3 channels de TVA Sport. Puis là, tu manges 3 postes, non, 2 postes pour RDS 1. Ouais, 2 postes. Mais RDS, ils ont dû couper RDS 2. Non. Non, mais RDS, ils veulent choper sur RDS 2. Non. Quand tu prends des postes à la carte, faut que tu prennes RDS 1. OK, mais on s'entend qu'RDS, là... Moi, quand je l'ai pris, il me semble que c'était RDS, puis il donnait RDS Info. Puis ah, t'as peut-être eu un forfait spécial, toi. T'as peut-être... Moi, j'étais plugué. Ça, c'était avant la marque qui a commencé. T'as peut-être fait des petites batifoleries ou... Ouais, toi, t'as peut-être fait une Théo, man. Justement, par rapport à Théo, il y a Hockeyman dans le chat qui nous dit que Théo a déjà eu son reportage dans Accès illimité à TVA. On s'en calisse. Convergence. C'est de là que je disais de la fois qu'il fait ses reportages de la Floride, là, c'est, je l'ai vu là. En truc de Boca Raton. Ça s'est passé à Boca Raton. Pendant un tournoi de la PGA. Il était dans le bateau d'un autre joueur de hockey. Ouais, Jamanowski. Non, Newendijk. Non. Joe Newendijk. Qu'est-ce qu'il faisait avec Joe Newendijk? Non, un gars à retraite. Ah, Scott Niedermayer. Il y a plein de joueurs de hockey qui habitent à retraite qui habitent à Boca Raton. Le gars qui est sur le chat, il s'en rappelle pas. Il doit savoir c'est qui. Alors, qui met en demande avec qui Théo faisait du bateau dans le reportage. Il joue au golf aussi. Ça se passe à Boca. Il doit jouer avec Bobo Watson. Puis il chantait du comme I'm on a boat. Non, il connaît pas ça, il parle pas assez bien en anglais. Ah. Parce qu'il travaille derrière TVA Sport. Il parle Sport, pas assez voilà. bien en anglais. Dans l'anglais. Ok, on joue ça, ok, là. Ouais. C'est ça, on parle de. Ah non, c'est vrai. On parle d'un petit commentateur de marde, là. Parlons des Islanders maintenant qui ont signé. Non, on a dit qu'on parlait hockey. Justement. Qui ont signé Johnny Boychuk, 7 ans, 42 millions. Correct. Un point dans ses 11 dernières games. Boychuk, là, il voulait rien savoir des Islanders. Il est rendu à 42 millions pour 7 ans. Il avait 42 millions de dollars. La preuve que quand l'équipe va bien, tu changes ton fusil d'épaule. Ben, Chris, je vais peut-être rester. C'est des aspirants à coupe, ça. Ouais, mais ce tabarnak-là, il y a 33 ans. Il a signé un contrat à long terme à 33 ans. Il a signé jusqu'à 40 ans, lui, là. Ouais, c'est pas fort, là, de la part de Gartino, là. Sur le chat, juste sur le chat, il y a un gars qui s'appelle Bav Vomi. C'est lui. C'est lui. Non, mais on a aussi une réponse pour Théo par rapport à avec qui fait du bateau. Hockeyman nous dit, je sais pas, j'ai changé de poste. Ah, c'est ça. Moi, c'est juste ça que j'ai pogné. J'ai vu qu'il était à faire du bateau, j'ai fait comme, crée, j'écoute Walking Dead, fuck off. Ben, Johnny. Moi, j'ai pas le poste parce que TV Sport pogne toutes mes postes, tabarnak. Mais je sais pas faire pour faire le troisième. Écoute-les sur CTTV. CTTTV. Ah, mais c'est pas spé que ça, là, Johnny Boychuk, là, comme. Non, c'est un bon. C'est cher, tabarnak, là. C'est cher. Ouais, mais il y en avait besoin d'un gars comme ça. Puis, sais-tu quoi? Boston, là, c'est une grosse crise de perte pour eux autres, man. Johnny Boychuk, sérieusement. C'est vrai, man, regarde, c'est parce que Cicciarelli est tata, puis il donne des contrats de trop cher à n'importe qui. Est-ce qu'eux autres, là, ils ont mal à leur équipe, là? Et tabarnak! Ouais, c'est, ça sent la fin. Moi, je trouverais ça bien drôle, mettons, que Boston fasse pas les séries. Ils Chris feront pas. Pas pour l'instant. Chris d'Or-Julien, puis que Shanahan, il est dans la merde, il a besoin d'un coach, puis qu'il signe Julien à Toronto. Est-ce que je capoterais? Oh. Là, j'ai vu ça, là. Arc. Ça serait juste drôle. Ça serait... Ouais, ça mais serait dégueulasse. Je suis pas sûr qu'on se laquait. Encore plus les Leafs, là. Ça serait comme le summum de détester les Leafs. Mais je pense que si Boston font pas un playoff cette année, Julien, ils seront pas se laquer tout de suite. Je pense qu'il va faire comme jusqu'au fait l'année prochaine. Non, ça se peut qu'en même temps que le Cam Neely, man, lui, il pète des plombs. Il va faire comme fuck you, elle tout dehors. C'est ça. Après ça, il va se faire sauter, man, dans son lit. C'est la fin parce que Chara, il est Chara, à l'âge qu'il est rendu, à un moment donné, il faut penser qu'il va prendre sa retraite un jour. Chara, il a ralenti. Chara est dégueulasse. Il est chanceux en tabarnak. Il finit son contrat puis il finit lui-là. Ses pieds parce que. Il est capable de suivre le rip encore, mais il est plus là. Ben, en même temps, il est chanceux, puis il est pas chanceux. Lui avec celui le rip. Lui avec celui le rip. Ah, ouais, je là, parle il comme t'es rien. Là, il est comme sa rip pressée. Non, mais Chris, Chara, là, sérieusement, chanceux, je sais pas, mesurer ses pieds. Chris, ouais, pas été évident de trouver mais non, un chara. Mais non, il permet de suivre. prochain sujet. Qu'est-ce qui lui permet de suivre, c'est qu'il y a un bâton de 12 pieds. Là. Il espère un passe chaff, hein? Il y a Ken Hitchcock qui devient le quatrième coach à remporter 700 victoires dans la Ligue nationale. On s'en calisse. Ben, bravo Ken Hitchcock. Ah, Ken Hitchcock, il n'est pas mort, lui. Non, ben il est peut-être mort à sa 700e victoire, je pense. Non, là, mais... tu parles de Alfred. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça, The Birds. Bonsoir. Bonsoir. Lui, là. Il avait beaucoup de coups. Là. Jeff va nous donner d'autres informations maintenant. Il y a eu une genre de feud là, entre Joe Thornton et Doug Wilson. What? Ouais. Donc, c'est le DG. Sur Twitter, il y a eu des tweets qui sont échangés, je pense. Vas-y, Jeff. C'est ça, mais dans le fond, juste pour résumer l'histoire. L'histoire là, qui a envoyé chier le DG. C'est ça. Ouais. Ça a commencé avec, probablement, Thornton en début de saison. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'est fait retirer le C. Et puis, une couple de semaines, il y a eu un meeting. Le choker. Ouais. Une couple de semaines, il y avait un meeting avec les détenteurs de billets de saison. Puis, à un moment donné, c'était question ouverte. Puis, il y a un gars qui s'est levé debout et il dit « Pourquoi t'as enlevé le C à Joe Thornton? » Fait que le DG, il a dit « C'est parce que quand il y a de la pression, Joe est stressé puis il se met à cœurer tout le monde. Fait qu'il mérite pas le C. » Ça a fait le tour des médias. Ils ont posé la question à Joe. Puis, Joe a dit « All I've got to say is I've been here every day working hard. I haven't taken a sabbatical. He just needs to stop lying. Shut his mouth. » Ça, c'est ce qu'il a dit. On the record. Il est au coach, j'ai fermé sa gueule dans le fond. Ça, c'est comme tiens, de prendre ton billet et te faire trader right now. Et là devient une question intéressante de mon cas. Mettons, là. Les tisanniers de l'enfer. Oubliez, là, le plafond salarial, psi, pis ça. Mais si Joe Thornton est disponible cet été, est-ce que le Canadien devrait avoir de l'intérêt pour lui? Non. Expliquez-moi. Joe Thornton, il a quoi? Il a 34 ans, là? Ouais, début mi-trentaine. Il a 35. On a dit qu'on misait sur la jeunesse, là. Tabarnak! Regarde, man. Regarde. Attention aux bières, attention. Il se frotte le micro sur le chat, là, ça. Fuck it, man. Il n'y a pas Joe Thornton. Pas encore sa mousse. C'est un choker, ce calice. Il se frappe le mic, passe à moi. C'est pas un gagnant, ça, Thornton. Il est pas capable de rien. C'est pas un gagnant. Moi, je le prends pas, c'est pas un gagnant. Non, il a lazy fucking ass. Thornton au dernier. Non, il est bon. La question se pose. Dernier. Il est jeune au moins. Ça dépend le salaire. C'est Nate Jardin qui est tout le temps sur le cul. J'ai oublié le salaire et tout. Là, je parle du joueur. Il va nous amener. Mais tabarnak, Joe Thornton, calisse. Ben, premièrement, Thornton n'aurait pas l'air d'un esti de friandise à côté de Tanner Myers. Peut-être, mais il va nous amener plus que le dernier. Et tabarnak. Chris, t'as l'air d'un gars qui joue dans Tron, sti. Non, il a l'air d'un gars dans Star Trek, là, sti, là, avec le petit. Ouais, le robot. Show poker, le robot, ouais. T'as l'air d'un gars de Daft Punk, sti. C'est ça, ça a plus de sens. Mais, je vais censurer des choses. Ben, bref, Joe Thornton, c'est non, merci, fuck you, chez vous. Ben oui. Oui. Ben, de façon, là, bon, gars, ta proposition de trade, anyway, je vais te dire, là, à part rapport. C'est comme ton plus de tantôt. Tu rêves, là, c'est ça? C'est comme un rêve? C'est pas un rêve, c'est une question. C'est un rêve. Hier, je me suis couché, puis j'ai eu un rêve. T'es-tu bandé, Thornton? Ouais. Non. OK. T'es bandé quoi? Il y a un hard de bonheur, là. Bah, je peux regarder ça pour la fin, si tu veux. Ben, peut-être pas. Bandé pour le quoi, là. OK, mais là, anyway, je veux dire, Asti, c'est deux joueurs complètement différents. Puis anyway, qu'est-ce qui va arriver avec Thornton après ça, là? Ben, c'est sûr qu'il se fait changer. Ben, il se fait changer quand cet été? Il va venir chier quoi à Montréal? C'est ça que j'ai... Non, non, mais admettons, Fabule, là, admettons qu'il sera à Montréal. OK, admettons là, que tu peux comme échanger. OK, ça se passera jamais. Fait que chaque fois qu'on va se rendre en Fabule, on parle pour parler. On choke tout le temps, mais oui, Colis, ça ne sera jamais bien loin. Là. Ben, Chris, je vous dis. Ben, ou pourquoi? Ben, on s'améliorera pas avec Thornton. Ben, Chris, on aurait plus de gabarit. On s'améliore pas avec Thornton? Tabarnak. Ça devient notre centre numéro 1, man. Ça devient notre centre numéro 1, man. Qui parle? Je comprends pas. Ben, je suis pas d'accord avec toi, Dave. Non. Okay. J'aime bien mieux Joe Thornton que David Dernais puis Thomas Plekanec. Il y a aucun doute là-dessus. Moutou. Check ses stats. Peut-être côté ce qu'il a fait dans sa carrière, oui, il est plus, c'est plus impressionnant. Même là, Plekanec, moi, j'aime tout un peu plus. J'ai non, mais c'est vrai. Ce genre. Au point où c'est un meilleur joueur. Dans sa carrière, je pense pas qu'on a besoin de ce gars-là. C'est sûr. Non, mais Dave, admettons, tu le signes pas à 6 millions. Mettons, là, tu le prends au salaire. Il reste 2 ans sans contrat. Joueur pour joueur. Boum, boum, là. Boys, là, vous fabulez à 800 000. Là. Wow. Non, mais admettons, mettons, joueur pour joueur, il vaut 6,7 millions. Ouais, tu paierais-tu 6,7 millions pour lui, même? OK, t'as peu. C'est ça que j'ai dit, oublier l'argent. Dave, admettons, là. OK, Dave, attends, regarde, je te mets une autre mise en contexte. C'est trop facile de dire oublier l'argent. Non, t'as peu. Moi, je prends Crosby. Mise en contexte, là, comme quand on avait demandé à Alex, c'est qui le premier joueur que tu prends? OK, c'est pas... OK, ben, oublie ça. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas Lucic. OK, t'as peu. OK, admettons, là. OK, il reste deux centres que tu peux choisir. Tu fais ton Dream Team. Asti, il te reste deux centres à choisir. Tu as choix entre Dernais puis Joe Thornton. Je prends Thornton, Asti. Bon, tabarnak, okay, c'est ça qu'on dit. C'est ça qu'on dit dans un monde de fabulation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'irai pas chercher Thornton pour remplacer un Dernais ou un Plekanec présentement. Parce que dans ce qu'on a de besoin, c'est de quelque chose de mieux que ça. Mieux que Thornton aussi. Parce que Thornton, ce qu'il en est rendu dans sa carrière, là, ouais, là ça, c'est un pic au repêchage. Il nous amènera pas plus loin, man. On n'aura jamais rien. Parce qu'il faut attendre notre pic au repêchage pour finir dans le cadre. Présentement, dans sa carrière, nous amènera pas plus loin que ce qu'on voit présentement. Tu checkeras ses stats. That's it. Tu checkeras ses stats. Thornton, il est pas loin d'un point par match. En playoff. Ouais, mais là, en playoff, t'es tabarnak, là, t'as bien, parce que toi, là, ton. Mais c'est ça, c'est pas mieux que le Canadien, t'as bien, là. On serait pareil, c'est juste qu'il est plus grand. Non, mais c'est donc. Non, mais. C'est pas le Klondike. Non, mais j'ai jamais dit que c'était Plekanec ton meilleur joueur. Mais non, c'est ça. Nous amène pareil comme Plekanec. J'ai jamais dit ça. Non, nous amène mieux que le dernier. Je pense que Thornton peut gagner la Coupe à Montréal, moi. On s'amène. T'es gelé, mais. Avec Thornton. C'est pas mieux que s'amener en série avec Plekki, là. Non, bout de ligne, c'est le résultat est le même. On parle de dernier. Que tu fasses un point par match parce que tu t'appelles Thornton ou que tu en fais genre 50 parce que tu t'appelles Plekanec. Moi, je te dis, là, j'aime pas. Si t'es dans série, t'as rien de plus après. Et si moi, en série, j'aime mieux Thornton, le style Plekanec, par exemple. Fuck all, Thornton, en série. De toute façon, c'est... Tout ce qu'on dit se passera pas. C'est rendu en quart de finale. C'était juste une question. C'est rendu en finale associée. La pointe est sur le cul. On avait même pas de gros joueurs demain, man. Pendant que la pointe s'est blessée. Je ne l'aime pas. Qu'est-ce qu'on écrit sur le bâton dans le derrière? Moi, les joueurs dans le top 3 du Canadien, je ne les aime pas. J'aime mieux aimer Heller. Je pense que t'allais dire, j'aime mieux aimer. C'est le prénom Paris. Aimer Paris. Non, mais Chris. Comment? Moi, ça me fait... Okay. T'as le deuxième meilleur pointeur, tu l'aimes pas, tabarnak. OK, on va clore le sujet. Deuxième meilleur pointeur aussi dans la pire offense de la ligue. Hey, deuxième meilleur pointeur du club, pourquoi tu l'aimes pas? Oui, j'aimerais savoir mieux, mais Chris, on n'a pas mieux. Mais aime-les, lui qui te donne des points. Je n'aime pas. Il te donne 52 points. De toute façon, là... Il te donne des points, il t'a donné 52 points cette année. On est around the NHL, on parle beaucoup trop du Canadien en ce moment. Ben oui, mais on a des émotifs autour de la table. Soyez moins émotifs, mais faisons un tour de table, justement. Vous êtes chauvin, là. On est chaud point, je pense, moi. Alors, faisons un tour de table. Moi, j'aimerais connaître votre opinion sur le 3 contre 3 en overtime. Mais c'est pas tout l'overtime qui est 3 contre 3, là. Non? Ben oui. Non. Ouais, ça finit 3 contre 3. Non, c'est ça, c'est 5 minutes, c'est 4 contre 4, puis les deux dernières minutes, c'est du 3 contre 3. C'est ça. Ça, c'est de la merde. Moi, je mettrais deux périodes, moi. Une période 4 contre 4, puis après ça... Une période de 5 minutes. Ah, moi, j'irais directement 3 contre 3. Ouais. Tant qu'à ça, tu sais. Je ferais 4 contre 4 puis le toit. Ouais, sinon, ça fait 10 minutes, ça fait trop long. Parce que le règlement qui va être qui est présentement dans la Ligue américaine, c'est que ça joue 5 minutes à 4 contre 4, puis après ça, mettons, après 5 minutes, le premier arrêt de jeu tombe à 3 contre 3. Fait que t'as un genre de 7 minutes d'overtime, finalement? Ouais. OK. Sinon, j'arrête, ça fait pas de sens. S'il arrête à 3 minutes, il faut que tu tombes 3 contre 3. Quand t'es 4 contre 4, ça marche pas. Non, mais... c'est l'arrêt de jeu, tu tombes à 3 contre 3. La saveur que je sais qu'est-ce pas, c'est. Ça fait s'il y a une pénalité. C'est ça, je me demandais. Ben non, tu tombes à 3 contre 2. Non, tu peux pas. C'est parce que dans la Ligue nationale, il faut tout le temps que tu sois à 3 contre 0. Fait que d'après moi, il rajouterait peut-être un joueur de plus à la glace, peut-être. Moi, je fais un 3 contre 3 direct en overtime. Puis là, t'enlèves ton goalie, man. Là, tu t'en vas. 4 contre 0. Des grandes crises d'idées. Ben, moi, je pense que ça serait peut-être spectaculaire, mais. Dans le fond, il faut que je le vois pour voir ce que ça va donner. Ils veulent juste que dans ils le fond, vont ils se sentent. Des matchs préparatoires. Mais pourquoi ils font juste pour qu'il y ait moins de tirs de barrage? Ouais, ouais, parce qu'il y a trop de matchs qui se décident en tirs de barrage. Parce qu'ils l'ont fait dans la Ligue américaine, je pense. Ouais, puis ça a droppé. Il y a moins de tirs de barrage. Mais ce qu'ils disaient aussi, ils voulaient enlever les dégagements. On va recommencer. Ils voulaient. Reformule. Ça, ces dégagements-là. Les dégagements. Lors d'une pénalité. Oui. Ouais. En désavantage numérique, il voulait autoriser. Non, il voulait enlever l'autorisation de faire un dégagement. Tu pourrais être un petit peu moins clair, toi, là. Tu peux. Ok, quand t'es en piqué, oui. T'aurais plus le droit de faire des icing. Ah, ouais. Dans ça, je trouve ça. Dégager, tu veux dire. T'as plus le droit de dégager. Mais ça, je trouve ça complètement ridicule parce que là, tu donnes. En fait, c'est que quand tu vas pogner une pénalité, c'est sûr que tu vas te faire poter parce que tu peux pas dégager. Fait que ça donne encore plus de pouvoir au ref, ce que je trouve complètement ridicule. Ben, je sais pas si tu savais, Alex, mais dans le temps, mettons, comme les années, je pense, 50, 70, le 2 minutes de pénalité, c'était 2 minutes plein. Ouais, mais tu sais pourquoi ils ont enlevé le 2 minutes plein? Parce que je pense que c'est Richard. Non, c'est Béliveau. C'est Béliveau. Parce que le Canadien, quand il y avait un 2 minutes plein, il pouvait pas dégager dans le temps puis il pouvait pas faire 2 minutes plein. C'est 2 minutes plein puis il pouvait pas dégager puis parce que dans le temps le Canadien comptait trop de buts quand il y avait non mais pénalité. Ça c'est le règlement de Béliveau parce que Béliveau scorait trop de buts c'est dans le temps de Béliveau mais, ouais, mais ils ont mis ça à cause de lui même parce que lui scorait trop en power play c'est drôle parce que là il veut faire le contraire ils veulent qu'il y ait plus de buts non t'as peu là moi ils veulent pas faire 2 minutes plein ils veulent les autres ce qu'ils veulent faire c'est que l'équipe il va avoir des offside s'il dégage non il a ouais mais sur les icing s'il dégage ouais mais ce qui est plus approché c'est le dégagement qui va être refusé. L'équipe va faire dégagement, moi, c'est un icing, tu reviens avec la mise au jeu. C'est ça, c'est parce que tu pourras hybride. Plus dégager. Moi, j'irais à un hybride. Tu peux dégager. Je trouve ça gay, on change trop les règlements. Non, mais c'est parce qu'ils veulent changer. Moi, ils veulent plus de buts en powerplay. Moi, je le ferais hybride. Tu peux dégager, mais sors de ta zone pour dégager. Juste traverser ça, la par bleue. Contre, j'ai rien contre ça. C'est moins pire déjà. Tu sais. Ah, c'est pas faisable, ça, tabarnak. Ben, c'est crissement mieux. Là. Ben, c'est cette valeur parce que Price, il est super bon. Il traverse la bleue, il est capable de dégager. Ouais, c'est ça, c'est chiant. Mais c'est tout le temps les hosties de règlement qui sont anti-gardiens en même temps. Quand t'as des bons gardiens dans ton équipe, ben, comme les c'est tout le temps eux qui payent le prix. Les deux hosties de ligne là, sur le côté du but qui t'empêchent les gardiens d'aller. Ben, c'était genre le règlement Brodeur que j'appelle. Ils ont mis ça à cause de Brodeur parce que lui, il sortait tout le temps de son net et allait dans les coins. Mais Chris, si Price, il pouvait aller dans les coins, là. Des fois, il ira chercher en tabarnak. Price fait un job seul. Il est comme un troisième def. Là. Ben, c'est ça. C'est ça, c'est vrai. Ça. Il fait bonne chose. Prix d'un diamant, là, genre de. Tu sais, genre. Comme Jean-Pascal. Là. Coincé. Comme il est champion diamant. Moi, je suis champion diamant. La ceinture diamant. J'ai jamais catché quand Pascal a dit ça. C'est quoi champion diamant? C'est un cave, ça. C'est un cave. Champion diamant. Il est fini, lui-là. C'est le genre de ceinture qui peut jamais perdre. Un diamant, c'est quoi, c'est ça, man? C'est sa ça, ça, ça mère qui a donné. Tiens ta ceinture diamant. Tiens, Pascal. C'est comme son premier biberon, man. C'est comme son cierge à son baptême. Moi, j'ai la ceinture diamant. Alors, dans le fond, c'est une pierre de diamant. Tu sais, l'affaire, tu te mets en dessous des bras. Ah ouais, puis Chris, à chaque fois que quelqu'un se met ça, là, il finit le temps par sortir de Subway, man, à la fin de la journée. Il là. Sent ouais. Sel. Sent le Subway. Tabarnak, t'as ça marqué, esti? Ça sent comme des petits oignons frits. Il sent la soupe, esti, la soupe aux oignons, man. Calice. Voulez-vous parler du procès de Mario Tremblay? Non. Ah, oh, ben, ça, j'ai trouvé que c'était. Check. Asti qui ont beurré épais. Ah, évidemment, là. Journal de Montréal. Asti qui sont. Ah, crap c'est sûr, c'est un gars d'RDS. Shit. Ben, justement, non. Ça amène avec le sujet final du Journal de Montréal qui se moque d'RDS parce qu'il n'y aura pas de hockey pour la première fois en 12 ans. Ça, c'est trop de cul. Mais c'est quoi ça? Moi, je l'ai. Ah, le Journal de Montréal, on fait un article là-dessus. Ouais, il y a. J'ai vu ça passer, mais j'ai comme pas porté l'attention. Dans la section Hors et Spectacle, ils ont dit pour la première fois en 12 ans. Dans Hors et Spectacle? Dans le cahier hors spectacle, dans le Journal de Montréal, dans le milieu. C'est abonné, calice, ça, t'es c'est... abonné au Journal de Montréal. Non, c'est parce que je l'ai gratis au garage. Oh, sac. Ah ben, les avantages sociaux. C'est pour ça qu'il est Théo. Toi, t'as le choix, t'as le Journal de Montréal puis la presse. Non, mais vrai, non c'est parce que dans le fond, quand je vais voir mes collègues puis lire le journal, là, je check toujours au-dessus de leur épaule pour voir c'est quoi la marne qui se passe. Puis, non, mais Journal de Montréal, là, les sports, il est intéressant, par exemple. Ah non, je t'en ai, là. Moi, je suis la presse. Forever, là, mais... Forever! Honnêtement, ah, mais là, le journal, c'est là... Quoi c'est passé? Ouais, vas-y, Jeff, okay, dans quel spectacle, le gros titre, c'était « Pour la première fois en 12 ans, RDS n'aura plus de hockey pendant les séries. Okay. » Ah, là, ça mettait en évidence TVA, Québécois, c'est ça, là. Ça. Puis en plus, TVA a commencé une émission spéciale, c'était « en route vers la Coupe Stanley ». C'est de la calice de marde. Dans le fond, c'est le Québécois, même. Le gros en direct qui fait ça, là. Je pense que oui, avec le gros en direct avec l'autre, le reste de l'équipe, là, toutes les mêmes. Avec Louis-Jean Cormier, là. Ouais, Louis-Jean Cormier, qui sort son nouvel album. C'est quoi le gros en direct? Le gros en direct, c'est Dave Morissette, là, le fif qui joue dans l'ancien compte. Calvaire. Morissette, moi je l'aime bien. Morissette, moi. Ah, je suis fâché. Mais là, on parle. À la limite, il est sympathique. Il est sympathique. Il est calme. C'est un gars qui dit des affaires dans son arrière. Il est sympathique. Ça, c'est ce que toutes les grands-mères du Québec disent. Ah, il est sympathique. Là, Jeff est de. Ah oui, mais Chris. Viens de parler de. C'est le seul truc positif que je peux dire de TV Sport. C'est qu'il y a des. La seule affaire que je peux dire de positif, Chris, c'est que Calmos, il s'est fait slugger par Bob Robert, man. Boom, boom. Jeff vient de mentionner l'ancien compte qui vient de se terminer. Ah, mais il l'a slugué, bro. Hey, Réjean Tremblay, c'est assez, là. Ah, puis le pire, c'est qu'ils ont présenté un autre projet à TVA pour voir il y a un autre genre de synopsis, Réjean Tremblay, là. Ta série s'appelait La Finale. Décroche, tabarnak, là, à un moment donné. Il vient de tuer Suzy Lambert, calice! Ah ouais, puis en plus, il spoil la nouvelle dans le Journal de Montréal le lendemain dans le front quoi? Page. Pour vrai? Ben oui, tabarnak, Suzy Lambert, elle a touché de quoi, calice? Superman qui crève sa terre, ben si, c'est quoi, là? Elle a survécu à un cancer, à un écrasement d'avion avec Patrice Lécuyer, à une sec qui voulait voler son enfant adoptif, le petit Benoît. Attends un peu, l'écrasement d'avion avec Patrice Lécuyer. Il y a un enfant adoptif, le petit Benoît. Saison 3. Okay, c'est qui ça, le petit Benoît? Il y a un écrasement d'avion, Patrice Lécuyer, mais pas lui, là, mais c'était dans le temps qu'il y avait Marie Soleil, tout gars. C'était pas Patrice Lécuyer. Ben il était là-dedans. Pour vrai? Ouais, lui, puis il était avec le gros nez, là. Il y a une affaire par exemple. On touche pas à Marie Soleil et tout. Non, on parle pas de lui, on parle de l'autre avec ses hélicoptères. Dans l'émission Jasmine. C'est ça, j'allais dire. Dans Jasmine, elle faisait une police. Elle fourrait Julien Poulier. Non, elle fourrait l'handicapé, elle faisait une pute. Non, c'est pas elle. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, elle fourrait Julien Poulet. Calé, je suis trop jeune pour ça. Puis l'autre, là. T'es pas ça? L'autre, là, la noire. Elle n'avait pas 8 ans dans ce temps-là. Jasmine. Ouais. C'est ça, qui a plus rien fait après. Elle, qu'on n'a jamais revu, là, esti. Ah non. Non, c'est ma chérie. Elle a joué dans Jasmine, hein. C'était le rôle de sa vie, esti, puis après ça. Mais ouais, elle se faisait fourrer par je sais pas combien de policiers. Bref, Réjean Tremblay qui a écrit la partie. Jasmine, c'était une police. Une bonne actrice, là. Elle sortait les tapes, quelqu'un, je vais voir ça. Fait que Réjean Tremblay qui a écrit la première mort via Skype télévisuelle. Ben oui, est-ce que les jambes ils levaient des airs, est-ce que tu vois mon Marc Gagnon là? Il checkait ça par Skype. Ouais, il checkait par Skype. Non, mais je vais te décrire la scène, ok? Non. C'est vraiment mauvais, puis ça vaut la peine que tu Je l'ai vu moi aussi, puis j'étais comme voyons. Excusez-moi, les amis, si je spoil la nouvelle. Ben non, mais c'est parce que ça a été en front page de Montréal. Tout le monde le sait, en plus. C'est ça. Dans le fond, c'est que. Elle n'a pas, tout le monde en parle, elle, là. C'était la finale de la Coupe nationale contre les Pingouins. Oui, ça d'ailleurs. Ça a aucun sens. Réjean, c'est la même division, tabarnak. C'est la même conférence. Le problème, c'est que pendant toute la série, ils ont joué contre Ottawa, Boston, les Pingouins et les Canadiens. C'est les quatre seuls clubs qui ont joué pendant l'année. Là. Ils ont joué contre Ottawa. Ils finissent contre les Pingouins. C'est ça. Hey, Tremblay, tu connais pas tes divisions, tes conférences. Elle a rien Tremblay. Non, mais c'est parce qu'ils ont pas de budget. Les chandails coûtaient ben trop cher. Gaston Lepage, c'est ça qu'on cherchait tantôt. Pogne-toi, Jean, juste un dans la division de l'Ouest, puis fais tout le temps lui en finale de la Coupe cette année. C'est ça, genre. Les Red Wings, la même blouse. Mais là, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que là, premièrement, le National gagne la Coupe. Puis l'autre affaire que je trouve bizarre, c'est que Francis Gagnon, le frère à Mathieu Dandonneau, là, il a décidé de prendre sa retraite, puis il a commencé à coacher, genre à la troisième game de la finale de la Coupe. Avec son ah ouais? Ouais. Ok, mais c'est ça, Mercier fait comme un speech à la fin à lui, là. Tu vas voir un coach. C'est ouais, c'est ça. Sti, là, là il l'annonce à son là. Père. Fait que là, c'était Marc Gagnon puis son fils. Puis là, il y avait vraiment genre no homo relation entre père et fils. Puis il dit ah, tu vas voir, on a une chance de gagner la coupe ensemble. Puis là, les deux, ils se collent la tête. Puis ils sont tout contents. Puis ça se ferme les yeux. C'est intense. Puis après ça, à la fin, là, ils gagnent la coupe. Puis là, Suzy, elle s'en va genre accoucher avec sa nièce, là, la fille à Lambert. Là. Puis là, ils sont sur Skype. Là, les gars, ça court tout nu dans la chambre avec le champagne, la coupe. En se branlant. C'est ça. Fait que là, tu vois mon Marc, il dit « Hey, Suzy, ouais, ouais. » Comme le bébé dans les bras. Puis là, finalement, Pierre, il est là, tu sais, fait qu'il s'assoit à côté. Ouais, puis là, tu vois un scalpel tomber. Là, la toune commence. Ouais, au ralenti, là. Toute la séquence, après ça, est au ralenti pendant comme une demi-heure. C'est super long. Là, il dit « Suzy? Suzy? » Là, tu vois le genre le iPad qui est déposé c'est comme à terre, un petit tabouret ou quelque chose de même. Puis là, tu vois les jambes de Marina Orsini. Non, mais c'est parce que tu les vois comme il a enlevé le bébé, puis tu t'entends comme bip, là, elle est morte, là, genre elle a fait un arrêt respiratoire, je sais pas quoi. Puis quelqu'un crisse l'iPad à terre, mais l'iPad reste ouvert sur Skype, fait que tu vois un peu le coin du lit, puis t'entends les affaires. Puis lui, il regarde sur son iPad, là, sa femme meurt là, devant lui. Là. C'est ça. Ouais, mais il se demande ce qui se passe. Ouais, mais ben, il est comme. C'est ça, ben là ce qui arrive c'est que là c'est au ralenti. Qui est-ce iPad là? C'était Marc Gagnon. Arrêtez là, tabarnak, moi ça me là, touche. Là ce qui arrive c'est que là au ralenti tu vois genre les gars qui courent encore avec la coupe. Bart, ça arrivera pas. Là tu vois genre le fils à Pierre Lambert qui s'assied à côté d'eux autres. Puis là les trois sont comme check leur iPad. Les capotent toutes. Puis là ça finit que la toune continue. Je sais pas qui chante, je pense que c'est Louis-Jean Cormier justement. Puis là il marche sur un petit pont. Puis là il jette les cendres de Suzy Lambert. Puis si la seule affaire qui manquerait, moi je l'aurais fait si j'avais été le réalisateur, c'est que j'aurais crissé un end avec les sounds de Suzy Lambert. Là. Un lens flare. Puis là, ça finit de même. Elle meurt. Fait que 30 ans de télévision, puis lui, il a tué de même. Là. Ouais, mais il a dit. Puis il veut revenir. Il a dit, j'aurais déjà tremblé, qu'il écrirait des lancers comptes tant si longtemps qu'il y aurait de la demande. Ben le prochain synopsis, c'est justement, c'est de savoir. Le retour. Comment s'en sort Marc Gagnon un an après la mort de Suzy ben avec son nouveau nez. T'as peu. Elle est pas morte. C'est pas si récent. Non, mais c'est parce que ça, c'est comme dans la série de Dallas. Vous vous rappelez des années 80? C'est un rêve. C'est un rêve, c'ti. Tabarnak. Hier, je me suis couché, puis j'ai eu un rêve. J'étais dans le coma. Deux saisons. OK, mais là, vous autres, c'est vraiment GR dans le colis. Ben non, voyons donc. Non, là, elle est morte, c'ti, là. Ça a été écrit, je l'ai vu sur Front Page Journal de Montréal. C'est la première fois que je vois ça aussi, d'ailleurs. Une fin de série en Front Page Journal. Il n'y a rien à parler, c'ti. Son fuck out, là. Mais en fait, j'ai pas compris, par exemple, c'est que j'ai pas vu Suzy Lambert dans Nécrologie, par exemple. Dans Nécrologie. Le pire dans tout ça, c'est que dans le fond, t'avais le front page qui disait tourner à la page 55. Puis le titre du cahier hors et spectacle du Journal Montréal, c'était Marina Orsini sous le choc. Hey, tabarnak. Il l'a envoyé à tout le monde en parle pour parler de ça. Calice. C'est pas sérieux? Ah, c'est-tu qu'on est petit peuple quand à ça arrive? À parler de ça. À tout le monde en parle. Est allé parler de ça. Le monde, il envoyait des courriels. Le monde pensait qu'elle était morte, là. Je sais pas quoi, là. Mais le monde, sont fuckés au Québec, là. C'est une série télé tabarnak. Faut que tu dises qu'il y a du monde au Québec là, qui ne savent pas c'est qui le premier ministre. Ben, au Québec, il y a du monde qui pensait que Joël Legendre faisait des vrais combats de chiens. Ça, c'est pas vrai. L'histoire de la graine dans le parc, ça, c'est vrai, par exemple. Ouais, c'est ça. Après, si tu te demandes, c'était peut-être mieux les combats de chiens, finalement. Moins de malheur. Parce que GF fait son jogging dans le parc, puis il l'a vu. Non, c'est pas le même, ça a l'air. Hey, on est-tu dans la jasette ou dans la soirée du podcast? C'est pas le même que t'as vu, le même cap, tu veux dire? Un petit peu des deux, je pense. Là. Okay. C'est, pas... c'est ça. On parle aux questions du public. C'est de la merde. Y a-tu une autre question du public? Non, ça fait le tour du podcast, fait qu'on va faire les questions du public rapidement. Alors, ça a pas de bon sens. On y va avec les questions qui nous viennent. On va trop longtemps dans la seconde. Les questions qui nous viennent de notre Facebook. Ben, ça fait longtemps que la période est finie en plus. On y va comme ça. Les questions qui nous viennent de notre Facebook. Suivez-nous, la soirée du podcast sur Facebook. Y a Yann Dubuis qui veut savoir quelle équipe. On veut voir et ou qu'on ne veut pas voir contre le CH en première ronde. Moi, dans le fond, c'est sûr et certain que l'affaire qui m'inquiète, c'est là, qu'on affronte Ottawa en première ronde. On a des chances de pogner Washington, Red Wings, Boston ou Ottawa. Je pense que c'est ça les quatre choix. Ouais, peut-être Tampa Bay, peut-être. Ouais, mais non, pas Tampa Bay, c'est impossible. Il faudrait qu'on finisse dernier. Là. Qui je veux voir? Boston? Le pire team, c'est Tampa Bay. Là, c'est pas compliqué. Tampa Bay, les sénateurs, tu peux pas les voir. Ottawa, Détroit. Détroit. Ottawa, Washington, Boston, Florida. Ah, mais Asti, c'était ton dernier tantôt, tabarnak. Ah oui, c'est vrai. Ça n'a pas d'allure, ça. Mais moi, ça m'inquiéterait. Si on affronte Washington, ça m'inquiéterait un petit peu, je pense. Parce que Washington, Ottawa, ils font peur, moi. Ouais, moi aussi. Moi, non, je vous dis pourquoi. Parce que dans le fond, là, Andrew Hammond, je pense vraiment que c'est un feu de paille. Ouais, il est tombé. Le Hamburglar, là. Ouais, le Hamburglar. Hey, parmi moi, c'est de la calisse de merde, ça, Hamburglar. Je m'en calisse-tu. McDo, c'est de la merde, on l'a dit tantôt. Si vous voulez commander des burgers, par exemple. Ah, mais Curtis Lazar, il a mangé le calisse de Hamburglar. Il est dégueulasse. Ça a craché sa patinoire toute la longue. Si vous avez pas vu ça, il y a eu. Il pong le burger, il lancera une bite. Mais ça, il y a quelqu'un qui a lancé un burger sur la glace, puis lui, il l'a mangé. Douche. Hey, le gars, il devait être assis sur son. Hey, ça devait être en dessous de ton scrotum, cet hamburger. Peut-être que le gars qui a lancé le burger, c'est parce qu'il était pas bon, il a croqué dedans, il dit. Puis il a pogné l'herpès après ça, man. L'herpès. J'espère pour lui qu'il a pogné l'herpès. C'est sûr, penses-tu que la fille, man, non, mais Ottawa. Ou le là, gars, ça. Entre ça dans ses shorts, man, c'est comme dans. Elle avait le burger dans son burger. C'est mauvais, man. Le hamburger. Ça s'appelle le film Road Trip, là. En partant, quand t'es un gardien de but, puis que t'as fait le hamburger sur ton casque de goaler. Dans Road Trip. Ah, c'est pour ça qu'il l'appelle demain. Tu le goûtes, il y a le hamburger. Tu sais qui est le hamburger? Ouais, je sais, c'est, le voleur. C'est le voleur. C'est le méchant. C'est le voleur. Non, mais c'est le voleur. C'est pour ça. Parce qu'il vole des buts, man. C'est le hamburger. Il vole des buts. C'est comme Ghost du sort. Mettons qu'il n'a pas volé. C'est un personnage de McDonald's. Ouais, c'est pas juste le burglar. Non, c'est le hamburger. C'est le hamburger, puis c'est un personnage de McDonald's qui vole les hamburgers. C'est un voleur de hamburger, puis il s'appelle le hamburger. Il s'est payé par Ghost du sort. Là, sur son côté de masque. Ah, ben tabarnak, qu'est-ce qu'il dit que son casque, il l'a pas eu gratis chez McDo? Hey, Chris, c'est encore pire quand ouais Ned Flanders sur son masque, man. Voyons non, Chris, t'as hamburger. Pourquoi? Ouais, mais pour lui, c'est symbolique. Ah, ben, de toute façon, le burger. Tu respectes ça. Même. Il dit qu'il mange. Il aime même pas le McDo, il en mange même pas. Ouais, mais il peut-être trouve cool rapport. Le personnage. Non, non, il a eu son casque dans un joyeux festin. Hey, c'est là, trippé, calice à part de ça. De toute façon, comme Mark, il dit sûrement qu'il s'est lancé le burger dans les culottes, là, comme dans Road Trip avec le pain perdu. Tu sais, l'élastique est ouvert en arrière, puis c'est le flip en arrière. Le pain perdu, c'est délicieux. Un burger rempli de tifi. Puis le gars, il est tellement un bon service en plus. Ah voilà. Ottawa me fait pas peur pantoute. Puis il y a une équipe qui me ferait pas si peur que ça, ça serait Détroit. Détroit, ouais. Oh, Détroit. J'ai pas peur de Jimmy Howard. Non, moi non plus. Détroit, on a. Contact Détroit, puis donne-leur de la bullshit. On a un numéro. Appelle Détroit, puis donne-leur de la bullshit. Hey, on a-tu un bon dossier contre Détroit? Ouais, Détroit, c'est un numéro. Je pense qu'on a quasiment gagné tous nos games. Ouais, mais ça arrivera pas contre Détroit, anyway, on s'en calisse. Non, mais si par contre, on continue à perdre comme on compare là, on va finir 2-3e dans la division. Alexandre, qui tu voudrais voir, ne pas voir? Moi, je veux pas voir. Je veux pas voir, en fait. Moi, tu le disais, t'aimes pas, c'est sûr que non. Là. On affronte eux autres en deuxième ronde. Hey, avez-vous passe. Peur de puis de je veux pas voir Ottawa. Avez-vous peur Ottawa, de Washington, puis Ovechkin, puis Oldby, vous autres? Moi, non. Non. Washington, ça peut oui, j'aurais peur parce que Washington connaît un très bon deuxième moitié de saison. Mais ils font rien en playoff, d'habitude. Washington, on a déjà pété en. Ouais, mais là, il y a un nouveau coach, c'est ça qui me fait peur un peu. On a déjà battu Washington, puis. Moi, à 7 aussi. Washington, ça peut être dangereux, mais. Ça peut faire mal, mais je pense qu'on j'aime mieux pogner Washington que Ottawa. Historiquement, on va bien contre Washington. L'affaire qui est dure à dire, c'est que, tu sais, quelle équipe va être capable de battre Carey Price 4 games. C'est ça, dans le fond, il faut prendre en considération aussi. Là. C'est pas toutes les équipes qui sont capables de battre. Si Price reste en santé quatre aussi. 4 games. Ouais, ouais mais je l'adore, Price. Ouais, mais le gars est dur, là, pareil. T'as un 4 de 7. Price, non, je comprends, mais Chris, la 7e game, il faut ta gagne en calice, pareil. Là. C'est ça, puis il y a un problème. Price, il y a un esti de défaut. Hein. Il en score pas des buts. Puis on a un problème avec ça. C'est un bon point, toi, d'abord. C'est un suicide. C'est tellement mettre dans. Ah, c'est sûr. Parce que le problème, c'est que depuis octobre, novembre, décembre, janvier. Moi, je le mets à l'attaque. Puis on a toujours gagné. Je mets on a toujours gagné genre 8 games par mois. Au mois de mars, on n'a même pas 4 games de gagner, je pense. Ouais, mais le voyage a été difficile. Là. On va se dire, le voyage ouais, a été très que difficile problème, c'est là, au mois de mai. Tu sais, le slum, c'est en des fêtes qu'on connaît. Ouais, mais... en avance. Le fameux slum qu'on a tout le temps dans le temps des fêtes, on ne l'a pas eu vraiment cette année. Là, on a un slum en fin de saison. On est dans un on n'est même pas dans un la gang de la fin de saison. Tu sais, ça fait mal. Là. Ouais, mais on a perdu la dernière à cause de Tokarski. Oui, mais tabarnak, il y a une question là-dessus. Ouais, on tantôt, peut y aller là, direct mais... suite, si tu veux. Jerry Goodbout qui veut notre opinion sur Tokarski. On l'a donné pas mal dans le podcast, là, mais non, c'est une passoire. C'est ça, si on aurait, mettons, un Tokarski qui a gagné juste 3 de ses 11 derniers games, mettons là, qu'il en aurait gagné 7 dans ses 11 derniers games, on serait premier présentement. Ça nous prend un deuxième gardien de but l'année prochaine, puis je pense que ça va devoir être une des priorités de Bergevin. Parce que vraiment, là, en fin de saison, perdre de même, moi, ça m'inquiète. J'aimerais bien ça qu'on arrive avec une fin de saison de au moins 3-4 games d'affilée. C'est quoi la prochaine game? C'est contre la Floride demain. Ah, oh, Théo va début. Mais ce qui arrive, c'est que... On a gagné 4 games en mars. Jerry ouais, Fort, c'est le voyage, fort. C'est le voyage dans l'Ouest. On a toujours là, gagné. Tabarnak, on a mangé à voler dans l'Ouest. Là. Ben oui, mais tabarnak. On peut pas gagner dans l'Ouest, Calis. As-tu vu quand on joue aussi contre Winnipeg? Là? Winnipeg, sacrement. Là. On parle-tu d'une équipe Attends astille, peu, de Winnipeg, là. En général, le Canadien a dominé le match. Là. Le Canadien s'est fait faire par tabarnak! Winnipeg. Non, non, non. Es-tu malade, toi, Calis? Montréal s'est fait brasser le poudre. Ouais, ils sont solides, ils sont fait brasser, mais le Canadien dominait. Man. Il était tout le temps en offense. On a eu 45. Pavlech, il a été genre le meilleur là, dans le game. Comme dirait Alan Walsh, Pavlech. Pavlech a fait la même Calis affaire que nous autres ont fait avec Price. Donc, ce que je m'en allais dire. Sauf que les autres, ils ont scoré 5 buts, puis nous autres, on n'est pas capable de scorer 5 buts, Calis. Dominé cette game-là. La différence, c'est ça, c'est que le ils l'ont dominé Winnipeg, comment? Explique-moi ça, comment ils l'ont dominé. En offense, man. En ouais, offense, comment, tabarnak? En nombre de tirs? Ouais, attends, tabarnak, l'affaire, si c'est tu sais pas sur le gardien, tu comptes pas de but. Non, mais attends, l'affaire, là... Hey, Montréal, il n'y a pas de patin pas en tout hier soir. Ce qui aurait pu être... Non, mais je suis pas d'accord. Tabarnak, ça se quittait comme des... Oui, oui, l'écouter, là, style, ça patinait. Je suis sous... Laissez la parole à Alexandre. Ce qui aurait été un game changer, là, c'est des arrêts au bon moment. Là, le Canadien fait 20 shots en première période, puis Chris, la passoire, en laisse passer 3 en première période. L'affaire, c'est que tu perds tes jambes quand tu shoot, il n'y a rien qui rentre, puis tu te fais te poter par Ah, mais c'était des shots de la marde, man. Ils sont pas capables mais de oui, percer mais ils ont défensive. Scoré avec des shots de marde, les Jets aussi. Mais ouais, c'est mais ça qui c'est fait quoi? Chier. Mais Montréal, avec si... autant de shots, ils ont scoré combien? Un but, Calis. Ben oui, mais parce que Pavlet, c'était en feu. Un si but. Price fait les arrêts. Pas parce que Pavlet, c'est en feu. 0-0. Parce que Montréal, sont pas t'es capables en confiance, c'est le momentum. Non. T'arrives en deuxième, tu fais un but. La game est pas pareille. Ouais, pas parce que t'as pas les buts de Buffalo, c'est un but de caca, ça, Chris. T'as c'est dégueulasse. Quand t'es short, hostie, là, c'est des occasions. Moi, là, c'est pas des shots que je check, c'est des occasions de marquer. Des occasions de marquer véritables, il y en a combien? Des hosties de tir, là, ouais, mon gars, collé de la bande, là, genre, les hosties de tir, là, il a laissé passer de la marde, là, c'était pas des occasions phénoménales, là, il a laissé passer de la marde. On s'est fait manger physiquement, man. Physiquement, peut-être, on s'est fait dominer. Côté offense, on était direct dans le game. C'est ça, mais... Parce que tu te bases sur le nombre de tirs? Non, man, il y avait des bonnes chances de marquer, man, je te le dis, Chris, la game était dominée par le Canadien en offense, man. C'est ça. À part une partie de la deuxième, là, le Canadien a dominé l'offensive, man. Je fais ce Alex dit, parce que dans le fond, le problème, c'est que si Tokarski n'aurait pas donné les buts de marde en première période, là, on était dedans. Là. On était le, dedans le problème, c'est même. Que quand tu dois changer ton plan de match parce que tu tires de l'arrière, oublie ça. Le sport, c'est pas le jeu physique, ça n'a jamais été la game du Canadien de toute façon. Ouais, mais c'est ça, mais ça nous coûte des games et tout. Ben, Chris, on a gagné plein de games qu'on n'a pas dominé physiquement. Ça n'a pas rapport, man. Offensivement, ils ont dominé. Ah ouais, ton voyage en l'Ouest là, contre les Kings, tout ça, là, tabarnak, man, on se faisait empiéter, man. Ouais, le mais rouleau, les Sharks, on a bien défendu contre les Kings. Les grosses équipes. Ben non, mais les Sharks, c'est Price qui goalait cette game. On n'avait pas de jus. La pay game, c'était contre les Sharks. On n'avait pas de jus. C'était après la. Ouais, gars, moi, là, si, là, je suis encore dans l'affaire de Terrien, là. No excuses, si, man. Pas de jus, fuck you, man. Pas de jus. Chris, veux-tu gagner ou tu veux pas gagner? C'est drôle que tu dis ça parce que Terrien, yeah. Il dit, oh, on était fatigué. Ouais, ouais, je sais. C'est une longue saison, là. 82 games de saison, là. Je pense c'est que les gars, ils pensent trop playoffs. Sont après ménager leur énergie. La prochaine question. Voilà. Sur Facebook, nous vient de Mathieu Gélinas. C'est pas vraiment une question, mais il veut savoir si on va avoir des t-shirts de la soirée du podcast dans un avenir approché. Oui, on devrait avoir des réponses sous peu de ça. J'ai fait des demandes et on devrait avoir une réponse. Alors, je vous dirais que si vous voulez un t-shirt de la soirée du podcast, envoyez-nous un courriel à info@lasoireduepodcast.ca. Dites-nous la grandeur, puis si vous voulez avoir votre nom, numéro dans le dos, on va faire des gens ça, de... ça risque d'être peut-être. En tout cas, on non, va mais on voir... pourrait faire des pre-orders, mais il serait plus cher, ceux qui auraient le nom c'est dans le dos. C'est mais... cher, là, avec le nom dans le dos. Parce mais... pas donné, ça nous a coûté, je pense, 30-35$ chaque. Là, fait que ça risque d'être autour de 40 si vous voulez un t-shirt. Mais au là, pire, avec shipping, si vous voulez le numéro dans le dos, au pire, on peut comme pas faire mettre le logo en avant. Non, mais au pire, le numéro dans le dos, moi je me dis, j'ai un Sharpie chez nous. Je peux vous arranger quelque chose. En tout cas, contactez-nous par courriel ou sur les médias sociaux, puis on va prendre des gens de pre-order un peu. Sur les maisons sociales. Les maisons sociales, les logements pour les SDF, voilà. Check. Puis Maxime Ouimet. Maxime le weird. Je recommence. Maxime Ouimet, alors voilà. Veut savoir, pour les quelques matchs restants, est-ce qu'on repose Price ou on vise le trophée du président? On vise le trophée. Moi, je repose pas on personnellement. On repose pas trop Price parce qu'il faut que tu le gardes actif à la fin de la saison. Il faut qu'il soit prêt. Ouais. Il veut goaler. Il est prêt à anyway. De toute façon, là, je veux dire, tu vas mettre Tokarski puis tu vas risquer de pas faire les playoffs. Eh non, Chris, il faut qu'on ait l'avantage de la glace. Chris, on a 100 points, mais Chris. Tu veux l'avantage de la glace, fait que tu mets Price. Tu veux toutes les chances d'aller le plus loin possible. Puis on est rentré avec des victoires dans le corps. Puis excusez, mais Price, il veut goaler. Lui, le gars ici qui est number one dans la ligue, il veut goaler. Il était deux blanchissages d'un record en plus. C'est ça, puis il est à 4 games de battre le record de Ken Dryden. Donnez-y la chance, tabarnak. T'as rien, Chris. 4 games, 4 victoires. Non, mais t'as peu, t'as rien, là. Il fait juste faire, lui, du 2 games en 2 soirs. C'est sa philosophie depuis le début de la saison. 2 games en 2 soirs. Mais il l'a pas fait cette semaine. C'est drôle parce que la game contre Nashville, c'était pas. Winnipeg, il aurait dû mettre Price. Ouais, il a pas fait 2 games en 2 soirs. Jeudi, c'était pas ça. Hier, c'était pas ça. Il a voulu y faire. Jeudi, mardi, jeudi. Il a voulu faire une chance à Tokarski, puis il l'a laissé jouer contre moi. Tu m'auras pas, tabarnak. Bon, il nous reste 4. Il nous reste 4 questions. Ceux-là sont sur Twitter. Suivez-nous, @soirée du podcast. JF tweet beaucoup pendant les games. C'est ça la question? Non, je fais juste plugger le Twitter comme ça. Là. JF, qu'à chaque tweet, ça termine avec un icône de doigt qui pointe la star. Là. Ben là, sa signature. C'est mon trademark. C'est rendu trademark. Il y a @Maxime Lampoule qui veut savoir si Batman annonce l'expansion, 32 équipes dans la Ligue nationale, ça commence pas à faire vraiment trop? Non, je dirais que non, parce que ça aurait du sens, parce qu'on a 16 équipes dans l'Est puis 14 équipes dans l'Ouest, fait que 16-16, ça aurait du sens. Exact. Si tu me voles. Alors voilà. Ouais, mais d'un autre côté, moi, je trouve qu'il y a quand même trop d'équipes dans la Ligue. Là, mais ben, c'est sûr qu'on va diluer le talent. C'est un autre débat. Ben, tu dilues le talent. De un, tu dilues le talent, puis man, t'as des équipes moribondes, là, comme Asti, man, la Floride. Là. Les Hurricanes. Il n'y a pas personne qui va voir ça. Les il y a ça, mais d'après moi, la Floride, ça va déménager un jour peut-être à Québec. Déménage donc des teams qui ne marchent pas. Des teams différents. Des teams différents. C'est un esti de borné. Parce que si un jour tu veux que le Québec aille leur Nordique, ça va être fuck off. Moi, je veux plus Vegas. Non, mais Vegas, ça va être dans l'Ouest. Tu veux Vegas, toi? Ça va être dans l'Ouest. Moi, je veux Vegas. Mais Vegas, ça va être avant Québec. Ouais, ça va être dans l'Ouest. Ça va être. Vice City. J'en ai-tu rien à chier d'un team à Vegas, man? Ouais, ça va être beau. Genre d'avoir les uniformes, tu sais. Ça va arriver Vegas, avant Québec. Vegas, puis c'est bling. Là, tu vas avoir de l'or et des diamants, man. Ça va être Jean-Pascal. Ça va être une roulette. C'est ça, ben, c'est ça des équipes de l'Ouest, ça. La ceinture diamant. Ben, je verrais une équipe comme les Panthers. Le costume. Aller à Québec. Ouais, c'est sûr que ça serait. Je pense que c'est ça qui va. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Je dirais que les Panthers, vu que ça va pas bien, je pense qu'ils déménageraient peut-être. En amenant Théo avec eux autres, là. Ça me dérangerait pas, on gagnerait tout le temps. Théo à Québec, lui achèterait sûrement comme. Calissez les coachs, est-ce que la chose qui tourne, là. Quelle chose qui tourne? Le Québec, le resto de Concorde. Ils sont en train de faire. Ils font pas une maison d'un petit vieux, là-dedans. Ouais, ça a changé. Qu'est-ce qu'ils vont faire, alors? Il y a Max Lampoule qui a une autre question qui nous demande est-ce que le système actuel de repêchage est cohérent? Est-ce qu'on a des alternatives sinon? Il devrait pas peut-être le même système que la NBA. C'est-à-dire? Je suis pas sûr exactement du fond. Ça va bien, tabarnak. Laisse faire d'abord. Non, mais c'est parce que je voudrais pas m'avancer. C'est un peu technique comme question. Mais pourquoi tu dis ça d'abord, la NBA? Ben parce que c'est... C'est quoi, tu comprends, mettons, du système de la NBA? Ben, il est pas tout à fait... Je suis pas sûr exactement de comment ça fonctionne, okay. Mais ça, on le sait, là. Okay. Puis il est plus équilibré pour les équipes qui sont en haut de peloton aussi. Ouais, bon, OK. C'est-à-dire que les équipes sont finies de cuisiner. Parce que ce que tu dis, c'est de la merde, dans le fond. Fait que ceux qui sont sous ça, pour temps de réponse, là. Fait que c'est le fun pour ceux qui sont en haut de peloton, puis ceux qui sont sous plot font quoi, eux autres? Ouais, sous plot. Ils se font fourrer. Ils se font plotter. Et voilà! Dave est en train de passer sur Wikipédia, le site. Wikipédia. Oui, Wikipédia. Trompe-toi pas avec le film de Kevin Costner, là. Ouais, il danse avec les loups. The Draft. Non, The Draft. Oh, OK, excuse-moi. Calisse. Je pense tout le temps, il danse avec les loups. Mais la fin... Tu sais, c'est bon ou c'est mauvais, je sais pas. Mais tu sais, quand tu finis dernier dans la ligue, t'as quand même juste 20% de chance de pogner le premier pic. Et voilà. C'est pas 20%, c'est pas gros, pareil. C'est vraiment pas grand chose. Tu sais, McDavid, il peut se retrouver n'importe où. Dans le désert, Calis. Il part en Arizona. Lui, de capoter, là, c'est... Ah, tabarnak. Je suis genre, en Arizona ou à Buffalo. T'imagines-tu, justement, être un jeune dominant de même, puis t'arrives dans la ligue, tu fais comme « Fuck, je m'envoie dans une hostie d'équipe de merde, c'est certain, là. » Ouais, mais en même temps, équipe qui déménage. En même temps, si t'as des couilles, c'est un crise de bon défi, là. Tu regardes, il y a des bons joueurs qui ont monté des clubs. Chaque premier choix repêchage, je vais te dire la même affaire. T'as de la place pour performer parce que t'es le meilleur joueur de l'équipe. Sérieusement, là, que soit le meilleur calliste de joueurs de la Ligue nationale, là, va-t'en Arizona, là, puis essaye de vendre du hockey, là. Ouais, tough en tabac. Avec un gars comme McDavid, après Crosby là-bas. Au début de sa carrière. Hein? Pas là, là. Hein? Ouais, mais Crosby à Pittsburgh, tabarnak, ça va bien. Non, je sais, mais je sais, Crosby, là, quand il est arrivé dans la ligue, ouais, à place de la Pittsburgh, mais là, à Arizona, là, là. J'aurais fait fuck all, là, si. Il y a personne qui aurait un poster de Crosby dans sa chambre. Sacrement, oui, c'est un désert. Mais non, ouais. Tu penses ça, toi? Ouais. Et si, bon, moi, je pense pas. Mais fais juste pas. Shane Doan, non, mais Alex, c'est un bon point. Pittsburgh, mais. Tu sais, oui, Pittsburgh, si, ont connu Mario Lemieux. Regarde Nashville, là. Ils ont eu du hockey, Chris, ils ont eu des superstars, là. Il fait fret, là. Jagger, tabarnak, Jagger. C'est vrai, toi, tu l'aimes, c'est vrai. Je pense que tu l'aimes pas. Certains Jagger, man, clad no style. Alex, il sort un bon point parce que à Nashville, ils ont battu un record sur les assistants cette année. C'est trop bien. Je suis là-dessus. Quand t'as un club gagnant, ça attire le monde. Ben oui. C'est non, ouais, sérieusement, pis Phoenix, là, pour vendre le hockey à Phoenix. Là, je parle à travers mon chapeau, là, parce que c'est un de mes chums qui me dit ça, là, mais McDavid, il vend des billets que le calice, là, à Aérier, c'est une superstar. Yeah, mettons, là, okay. Tout le monde le suit, puis il fait vendre l'étiquette, tout ça. Puis c'est je te donne un exemple. Okay, le calice, je te donne un autre exemple. Là, mettons, là, tu vas catcher mon point. Là. OK. À Toronto, il y avait les Raptors. Steve Nash a pris sa retraite cette semaine. C'est not fucking basketball. Il a fait 21. Il a fait quoi, 18 saisons dans la NBA. Puis il a été pris, je sais pas combien fois, genre 8 fois sur l'équipe d'étoiles. Ouais, basketball, c'est deux le fois. MVP, ouais, mais c'est ça. Mais tabarnak. C'est le seul blanc. Le hockey, toi, tu penses ouais, en Arizona, c'est à quel style d'importance? Moi, Steve Nash, là, je connais fuck all de son style de carrière, man. Puis c'est le plus grand joueur canadien de la NBA qui a représenté le Canada. Je connais même pas, tabarnak. Dans le chat. Je sais même pas c'est quoi son style. En ce moment, dans le chat, il y a Nick Chalifou. Tu comprends-tu? Il lance des ballons, je pense. C'est, ben, c'est il lance des ballons. C'est un crisse de bon passeur. Et puis j'ai appris à ce là que, genre, là, le shot de 3 points, il appelait ça centre-ville, calice. On va lâcher le basketball parce qu'on sent tabarnak. Non, mais tu sais, je fais un parallèle. Non, mais là, le monde en Arizona, qu'est-ce que tu penses qu'il sent tabarnak? Tu parles d'Arizona, il y a Nick Chalifou dans le chat qui nous dit l'Arizona a amené Gretzky là-bas, puis ça a rien changé, les boys. C'est vrai. Exacto, man. Ouais, mais Gretzky, voilà. Gretzky est entraîneur. Toi, Steve Nash, là, tu sais quoi son numéro? 2. C'est ça? Non, je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, moi. Je déteste le basketball. L'affaire que Nick dit. C'est un sport là, américain, man. Ouais, vas-y, on revient au hockey, là. C'est ça, l'affaire que Nick dit, dans le fond, c'est parce que Gretzky est allé coacher là-bas. Tu sais, c'est pas pareil, là. C'est pas parce que c'est un Canadien qui a inventé le basketball que c'est un sport canadien, calice, là. C'est chacun qui a mis un trou dans un panier, là. Gretzky, il a pas fait gagner l'équipe. Qui ça? Non, je comprends pas ton point, Mark. Non, Chris et Gameplay à Phoenix. Non, c'est ça, il a pas fait gagner l'équipe. C'est pour ça que ça a pas attiré personne. Ben, comme un c'est Mark, t'en pas son micro. De toute façon, il reste deux questions. On va passer aux deux prochaines parce que c'est des tirs de barrage. Ben, le problème, c'est Batman qui s'entête à garder ses crises de club. Quand est-ce que tu décalises Batman? Jamais, man. Tu mourrais un Colin Campbell, il a passé 50 ans. Là. Tant qu'il va être là, il va avoir des clubs aux States qui marchent pas parce qu'il s'entête avec son calice de projet de mettre des clubs aux States. Ouais, c'est de l'orgueil, man. C'est ça. Il veut pas admettre que c'est n'importe quoi ce qu'il a fait. Comme Don Cherry, il s'en ira jamais, ce style-là. Un mané, il va péter au frère. Tu bars. Don Cherry, il achète. Non, un mané, GF, il va aller péter les jambes. Je pense que c'est ça. Non, mais moi, t'as raison, c'est de l'orgueil. On fait un drive-by. Ok, fait que c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Il reste deux questions du public. Mathieu Lamar qui veut savoir si vous êtes un joueur de la Ligue nationale. Bon, on n'est pas un joueur de la Ligue nationale. On est un podcast, là. Mais il dit, quelle équipe vous ferait le plus peur au niveau robustesse? Il dit, genre, hier à Winnipeg, aïe aïe. Ben, moi, je dirais les Sharks, là. Ils sont assez imposants comme équipe. Ah, mais ils font pas les séries? Non, mais il parle de robustesse, point, lui, là. Il parle pas des séries. Il parle de quelle équipe te ferait le plus peur en robustesse si tu jouais présentement, là. Les Sharks sont assez gros. T'as peu, GF, gars. Robustesse présentement. C'est un suicide. Robustesse présentement. Je tiens mon point sur les charges. Moi, je veux dire New York, man. Parce que c'est le plus loin qu'on peut se rendre, admettons. Là. Ouais, mais New York, c'est parce que ça a plus accès à la vitesse que sa robustesse. Ouais, mais t'as un peu. Ouais, ça rentre au poste en esti. On pas petit à New York, là, pareil, là. Ils sont gros, là. Ils sont gros autour du net, là, à Def. Ils sont gros à Def, là. À Def. Ils sont pas pires. À Def, il y a juste Mark Stahl qui frappe. Ouais, Boyle. boy, c'est pas un. Qu'est-ce qu'il a 38 ans, tabarnak? Non, il est pas petit. Vous autres, qui vous fait peur dans la ligue là, comme équipe en robustesse? Là, peur, Dave, ouais, je parle dans l'Ouest. Dans l'Ouest, ils sont tous gros. Non, mais partout, là. Non, mais les Kings. Confondu, là. C'est une crise de bonne question, honnêtement. Ouais, les Kings, moi, j'aurais genre à chier. Les Kings, c'est un petit gros clip. Ben, tabarnak, on l'a vu hier. Ils sont montés pour les Winnipeg. Ben, c'est ça qu'il disait. Il disait Winnipeg à Yoy, lui. Ben, Winnipeg, ils sont gros que le Corlis. C'est Saint-Louis. Ouais, c'est Saint-Louis, c'est solide. Mais toutes les équipes de l'Ouest, c'est... Ouais, ils sont colosses, Saint-Louis. Dans l'Ouest, sont toutes colosses. Sont toutes colosses. Sont toutes colosses. Tu sais, dans le fond, là, eux autres, sont là, gros, Anaheim, sont là, Anaheim nous a envoyé des... Sont russes. OK, on l'a fait quatre fois, la joke. On s'en compte. Ça fait cinq minutes. Tu sais, Anaheim, là, ils nous ont envoyé Smith Pelé, là. Ouais. Puis nous autres, là, dans l'Est, là, des Smith Pelé, là, il y en a pas tant que ça. Ouais, puis dans l'Ouest, là, Anaheim, là, il y a juste ça. Ils sont grands, ils sont gros. Ils font peur! Alors, pendant qu'on gagne la coupe présentement à la télévision, ça m'amène aux dernières questions du public de... Ouais, là, tant que le monde t'a peigné sur le côté à la... genre à la... comment il s'appelait, là? Qui, ça? Lui, là. René Lévesque. OK. Hey, Vin Jones, ça? Petit poil! Elton John. Il est avec Joël Legend dans le bout. Dernière question sur Twitter qui nous vient de Matt Labonté. Il veut savoir vos prédictions sur le rendement du CH en série. Est-ce qu'ils vont se rendre... En quelle ronde ils vont se rendre, en fait? Ça n'est pas contre qui ils jouent. Deuxième ronde. Deuxième ronde, moi aussi, j'ai. Cette année, on ne s'en aura pas en finale on de conférence. On se fait sortir par Tampa Bay. Oh, big statement. Hey, parce que ça se peut qu'on pogne... T'aimes pas bien, ça se peut pas qu'on les pogne en troisième ronde? En deuxième ronde. Non, impossible dans troisième ronde. Ouais. Troisième ronde, c'est contre les Rangers, c'est sûr qu'on se fait sortir. Ah ouais, ça c'est clair. Ben, à moins que Price goal sa tête, là. Mais tu sais, Price était pas pour se faire sortir. Ben là, Price fait rien que ça, goaler sa tête. Non, c'est pas les playoffs de l'année passée, là. Ça doit-tu être inconfortable, goaler sa tête? Non, mais toi, agile quand même. C'est là que, dans le fond, là, je veux venir à un point que tout le monde. Il devrait être dans le sol du soleil, lui. Vanek, elle est passée, là. Oh, Vanek! Non, mais je veux venir à un point. Tu peux donner ton plus, Vanek, là, veut pas. On sait que la série, c'était pas fort, mais il y avait de la profondeur, par contre, à l'avant. On s'entend tout de suite. Ben, il fait peur. Il est gros, il fait peur. On n'a pas de joueur de la trempe d'un Vanek. Oui, on a un, esti. P.A. Galchenyuk, tabarnak, esti. Non, je chante pas, quoi. Galchenyuk, il était là l'année passée. Hein? Galchenyuk était là l'année passée. Tu parles d'un joueur de plus. C'est Galchenyuk qui est supposé faire ça. Pis c'est pour ça que je veux venir à un scoop qui s'est fait, qui est arrivé scoop cette année. Attention, ouais. Primeur la soirée du podcast. Pour ceux qui écoutent TSN 690 qui suivent Bot McKenzie, il a confirmé que Patrick Sharp ne reviendrait pas avec Chicago l'année prochaine. C'est sûr, il a fourré tout le monde. Il a fourré tous les femmes de l'équipe. Ça, c'est des rumeurs. Fourré tous les wives, man. C'est des rumeurs, là. Mais j'ai comme l'impression que c'est le joueur convoité par Marc Bergevin. Patrick Sharp. Ben, ce serait. Je le parle. Ce serait pas un mauvais atout pour le Ça serait meilleur que Parento. Porte-manteau. Oui. C'est meilleur Geller. Ouais, puis en plus, Parento l'année prochaine, ben, l'avantage, c'est que. Non, mais Sharp, là. Sharp, ça joue. Ah, il reste un an encore à lui. Oui. Mais Sharp à Montréal, là. Il joue sur un 1 ou un 2. L'année prochaine, il aurait été. Pas sur un 3, là. Mais Bergevin. Jamais. Il fait des rêves. Pourquoi tu me dis ça? J'ai-tu dit le contraire? Non, je sais. C'est parce qu'on s'entendait trop. Ça, non, c'est pas Ben. C'est un 1. On était trop d'accord. Ah oui, ben non. Fait que tout ça pour dire. Il y a deux fils qui se touchent. Mieux. Deux filles qui se touchent. Oh! Ben, Rajoute-moi à elle, là, pendant en voiture, là. L'offensive. Puis un E aussi. L'offensive me fait ouais, peur. Puis un S. L'offensive. Ah, finalement, il y a trois lettres de plus. Tabarnak! C'est deux fois le mot. T'es en train d'en faire un mot. Qu'est-ce qui se passe? On s'en colle. Ah, rien, là, gars, il fait encore de la ponctuation. Je fais de la grammaire. Non, ouais. Il est tellement ponctuel. Continue. Il est jamais en retard. Fait que là, c'était quoi la question? Ton point est fini. Ben, c'est posé, fini. Là, t'as passé Canadien direct, fini. Ben, je sais-tu, tabarnak, ça dépend contre qui il pogne. Il veut nos prédictions en playoff, c'est tout. Là. Nos prédictions, ouais. Ben, moi, je serais pas surpris qu'on se fasse sortir en première ronde. Des prédictions, mais qu'on sache première qu'on ronde, affronte. Ça se peut. Le prochain podcast, on le saura. Honnêtement, je peux pas me prononcer présentement. Bon, petit politicien. Vas-y. Donne ton gars de feeling. Attends, moi, t'as le dire. On sait même pas qui c'est qu'on affronte. Fait que je vais dire deuxième ronde, troisième ronde, mais on sera encore de finale. C'est ton feeling, okay, mais ton feeling. Ok, ailleurs, on se fait éliminer en première, on se fait sortir en quatre. Moi, je comprends pas les playoffs. C'est... Hey, tu fais n'importe quoi, c'est là. C'est soit... Non, Chris, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On sait même pas qui on va affronter. Ben, c'est ça, le fun de la prévision. Hey, c'est le fun en Chris, hein? C'est le fun en Et tu confiant? J'ai tellement pas de plaisir! C'est soit qu'on se fait éliminer première ronde ou qu'on gagne la coupe. on se fait éliminer en 4 ou on gagne la Coupe Stanley. C'est un des deux. Ah, vous êtes malade, Calis. C'est un des deux. C'est... Il n'y a pas de demi-mesure. Moi, je dis que le Canadien cette année ne gagne pas la Coupe. Le Canadien cette année va gagner les séries. Le Canadien gagne les séries. Hey, c'est n'importe quoi. Ça achève. Moi, je dis qu'on est capable de passer. Moi, je pense qu'on est capable de passer la première ronde. Deuxième ronde, on passe pour. Ben, l'offensive va coûter la saison. Ben, en tout cas, ça va dépendre. Est-ce que l'offensive va coûter la série? Ouais. Donc, je pense qu'il manque du punch à l'attaque. Dépendamment qui on affronte, dans la première série, je vais dire deuxième, mettons. Ça va dépendre si Plicanel met sa jupe aussi. Ben là, tu dis comme moi. Tu seras pas le. C'est ça que je dis, mouton. J'ai dit ça aussi. Tout le monde a dit deuxième. Non, pas moi. Aucune calice d'opinion, là. Bon, mais moi, le dire, si on perd en game 7 de la finale de la Coupe. Short, Chris. Moi, j'ai dit, on se fait sortir en 4 la première. Fuck off. Moi je le dis tout de suite, si on perd en 7ème game de la finale de la coupe, je pense que le podcast revient pas, on va tout crisser le feu dans le studio. Ah. Non mais regarde, moi la seule affaire que j'aurais à dire par exemple, vraiment là, officiellement là, chainez pas vos chaises de soleil, asti là, puis préférez pas la 5-4 là. Le monde asti capote là, puis c'est comme hey, tabarnak, asti, price, mais non, pas cette année là. Il boira pas dans le trophée tout seul. C'est ça qu'Arim GF il a dit, pas cette année. Ceux là, asti qui lisent, asti JDM. On a un bel avenir qui s'en vient avec le CH, mais c'est pas pour cette année la coupe. Calmez-vous. Hey, ça sonne comme un plan qui a gagné l'an de 16. Ben, un plan sur 10 ans là. Ah mais qu'est-ce, on est on a été premier dans la ligue hier, on était premier dans la ligue. Ouais, mais le problème c'est on s'est rendu en finale de conférence l'année passée. On était premier dans la ligue dans l'année de la grève. Qu'est-ce qui est arrivé? On s'est fait sortir en 5 contre Ouais, Ottawa. Mais c'était Carbo. C'était pas Carbo, c'était Terrier. Ah, c'était Terrier. Ah non, c'est la merde. Non, ben moi je sais pourquoi qu'on s'est fait sortir par Ottawa. C'est Heller, man. Ouais, c'est ça. Heller, notre joueur étoile. MVP. Sérieux, capitaine, futur capitaine du club, hein. Dynamite, c'est ça. Eh non, t'es un PC, j'ai fait sortir par Griba, puis c'était fini, man. C'était MVP, ouais, man. MVP. C'était fini, puis je pense que ça fait le tour du podcast. Aussi. Ouais, aussi. Je sais pas s'il y avait d'autres choses à rajouter cette semaine. Je sais pas. MVP! Écoute, il y a un sujet libre, vraiment. Ouf. Bon, ben d'abord, écoutez, ça fait le tour de l'épisode. Commentaires, on va passer à notre appel. Ça fait le tour de l'épisode 11 de la soirée du podcast. Fait qu'on se revoit dans deux semaines, qui sera probablement le dernier podcast de la saison. Après ça, on tombe en playoff. Yeah! Ben, right, préparez deux vos. T'en peux voir. Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il va rester une game dans le prochain. Hey, t'as fait un battle fucké. Un G. Un battle. Un battle. Hey, c'est le Canadien du Canadien, ça? Donc Dave, il y a des photos de Kelly Coucou. Ah, t'es jaloux en hostie, ouais, hein, parce qu'il y a un calendrier du Canadien. Kirikou. Dans deux semaines, ça va donner. Kirikou, il marche nu pieds. Bon, ben, dans le prochain podcast, on va être la veille de la dernière game, alors on finira la saison. On devrait savoir qui qu'on affronte pas mal. Puis techniquement, on devrait peut-être faire au moins un podcast pendant les playoffs si on se fait pas sortir en 4 games. Là. Jeff, tu prépares un passe-mortem à faire anyway. Ouais, c'est ça. Faites confiance à Kirikou. Alors, bonne fin de saison tout le monde et puis on se revoit dans deux semaines pour le dernier épisode de la saison régulière de la soirée du podcast. À la prochaine tout le monde!